mais Kiki, c'est... lâche tes fesses. Non, mais j'étais en train de dire, on remédie à la situation, puis tu grattes tes fesses. Mais là, on fait quoi d'abord? On écoute les films ou on se gratte les fesses? On peut faire les deux. On se gratte les fesses en écoutant le film. OK. On s'arrange pour pas faire comme les oursons dans les annonces et avoir des petits morceaux de papier collés sur le cul. Oh, dégueu. C'est vraiment niaiseux comme annonce. C'est, comme... c'est vraiment en plus... Je sais, vous faites une affaire de papier cul pogné dans les fesses. C'est ça, sérieux, c'est... Mais c'est des ours, fait que c'est cute. C'est ça, mais vous misez là-dessus votre stratégie de vente, c'est vous dire, vous allez pas m'avoir de prix dans les fesses. Ouais. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien! It's all for you! We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Oh! Oh, oh! Bienvenue! Bienvenue tout le monde à cet épisode numéro 79 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro et ce soir, c'est une équipe de marionnettistes ou de marionnettes, on pourrait dire, que j'ai avec moi. J'ai tout d'abord une marionnettiste parce que quand elle parle à ses employés, c'est tout simplement comme un marionnettiste qui dirige ses marionnettes. Salut Vicky. Ça, j'espère que Sophie n'entendra jamais ça. Ça pensait que était ma marionnette à mourir sur place. Comment tu vas, madame la vacancière? Ah, lendemain de brosse, mon homme! Lendemain de brosse! Oh, ouais, c'est ça, les gars! Ouais, c'est ouais, ça, des vacances pour se reposer. Hein? Oh non, ben ouais, mais tu sais, il y avait beaucoup de vin dans ces vacances-là. Là. Ouais. Beaucoup pas plus pire que d'habitude. Parce que ah, moi, ben, que toi, ouais, quand tu me dis beaucoup de vin, là, je m'en imagine beaucoup. Là. Ben ouais, non, tu peux t'en imaginer beaucoup. Mais en fait, c'est sûr que je te dirais que je bois beaucoup moins depuis que je travaille. Mmh. Parce que tu sais, avant, j'avais au moins une journée de congé par semaine. Fait que c'est là que je me pète en face. Mais là, j'ai même plus ça, une journée de congé par semaine. Je travaille 7 jours. Fait que je prends encore de l'alcool parce que je reste moi-même. Mais beaucoup moins. Et là, hier, je pouvais me le permettre. Alors, ce fut pas mal toute la journée, là. Ben, on est content de t'avoir avec nous autres, même si. Et puis, t'as l'air en forme, fait que c'est correct. Oh, ouais. On te pardonne tous les excès que tu veux. J'ai plus de l'eau, mon corps, il est pas habitué, il en profite. Puis, on a une marionnette avec nous autres, parce que ceux qui savent, présentement, GF brûle les planches de Petersboro. C'est-tu à Petersboro que Peterborough, ça se fait? Il n'y a pas de S là-dedans. Peterborough. Donc, ben, vous l'avez entendu, Jean-François Tremblay est avec nous. Salut Jean-François. Salut. Comment ça terminé va? Hier, on a terminé hier soir notre pièce. Ah, c'est ta dernière hier. Ouais. Là, c'est ça, tu joues en anglais. Là. Oui. Avec un, j'imagine avec un qu'il ne donne jamais le gros rôle. Pas pour l'instant. Non? Mais j'ai reçu des beaux commentaires. Fait que c'est, ça s'améliore, mon affaire. Tu dois avoir la petite touche, là, ils doivent trouver ça le fun. Oui. Je trouve ça bien cute, l'accent. Allô? Avec le dernier costume que t'as présenté, t'es genre maître de train ou je sais pas trop. Un valet. Maître juste de... un valet. Un valet. L'accent fit pour eux. C'est la pièce... valet avec l'accent, ça marche. La pièce huis clos de Jean-Paul Sartre. Ça se passe en enfer. Ah! Ah ben oui, mais là, tu fit. Oui. C'est ah, un ben valet oui, de l'enfer. Ben oui, non, mais... pas non, mais ouais. OK. Mais... Puis, on n'a pas Steven. Non. Parce que, bon, ben... parce que ça a l'air que les Oscars, puis il a pas écouté le film, puis en tout cas. mais c'est bon, regarde, on va y pardonner. Et c'est pas comme si j'étais pas absent de temps en temps, puis tout ça. Fait que on va y pardonner, mais on te watch, Steven. Je sais que tu nous écoutes présentement, puis on te watch. Shame on you. Puis, c'était la dernière fois. Et moi, ben, je voulais rajouter, Oui. Je voulais rajouter. Game over, man. Game over. Bill Paxton est mort. Ouais. Hey, hein, ça, c'était toute une surprise aujourd'hui, ça. Bill Paxton. Puis, le seul qui s'est fait tuer par un Terminator, un Alien, puis un Xenomorph, un Prédateur. Pas exactement, c'était Terminator. Oui, dans Terminator 1. Alors, ça fait trop longtemps, ok. Ah ouais, je me souviens pas. Ouais. Pas un des punks au début, genre? Oui, c'est ça. Oh non, il est dans le bar. Non, c'est un des punks au début, je pense. Je me souviens. Ouais. Puis, moi, j'ai un film pour son film qu'il a réalisé et dans lequel il jouait Frailty. Frail? Frail. Faudrait le faire parce que j'ai jamais vu. On avait parlé de le faire dans les Frail, ouais. Dans le podcast. Ouais, le père. Je le perds. C'est vrai, je le perds. C'était lui qui l'avait réalisé. C'était écœur, hein, comme... En plus, je savais pas. Ben, je crois que c'était sa première réalisation. Wow. Ouais, je pense que c'est oui. Un très, très bon film. Ouais. On avait parlé de peut-être le faire dans le podcast un moment donné. Je l'ai jamais vu, le film. Fait que... Ouais, non, c'est un film à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, on met dans notre liste. On pourrait regarder justement pour faire les prochains. Ben là, le prochain, Jean-François, une bonne suggestion. On en parlera à la fin. Ouais. Oui, je sais, on en a parlé tantôt. Mais ce que je veux dire, c'est que si on s'était dit, toi puis moi, que ce serait le fun de mettre le mois, de se faire, tu sais, un 4, 5, 6, 7 shows d'avance. Là. Ah, oui, oui, oui. On va mettre dessus. C'est sûr. Là, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, on a un show de marionnettes, poupées et tout ça. C'est, on va l'appeler les poupées démoniaques, mais c'est ça. C'est ça. Alors, avec les films Trilogy of Terror et Magic, donc deux films que c'est pas les... nécessairement les films qu'on pense en premier lorsqu'on pense à films de poupées. Non, hein? Tissu. Alors, ouais, j'étais vraiment, vraiment curieux de voir ce que ça donnait comme film et j'ai très, très hâte d'en parler. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter avant qu'on commence avec Trilogy of Terror? Non. Non, pas de mon côté. Alors, on laisse la petite madame crier et on se retrouve tout de suite après. Trilogy of Terror est un film de 1975 réalisé par Dan Curtis et passé à la TV à ABC à l'époque. Et c'est un film qui est rendu culte aujourd'hui, surtout pour son troisième segment. En fait, c'est un film à segments, c'est une anthologie, qui met en vedette Karen Black dans les rôles principaux des trois segments. Et c'est écrit en co-écrit par Richard Matheson et William F. Nolan. Et donc, en gros, on a trois histoires qui portent les prénoms de ces personnages. La première histoire, c'est Julie. La deuxième histoire, c'est Millicent et Thérèse. Puis la troisième histoire, c'est Amelia. Puis dans la troisième histoire, il y a une poupée maléfique. C'est pour ça qu'on parle du film en ce moment. C'est pour ça que le film aussi est très connu. La poupée se retrouve sous la pochette de toutes les versions du film, quasiment. C'est ce qui a donné des cauchemars à plein de monde de plusieurs générations. Mais en gros, puis c'est il y a ça. Même Trilogy of Terror 2. Oui, ça, je l'ai puis pas vu. Puis la poupée est comme elle aussi en vedette, là, ces deux. Oui, okay. Ben, je pense qu'elle elle revient. Puis Karen Black a fait l'apparition aussi, je pense, dans celui-là. Mais en gros, c'est ça, la première histoire. En gros, c'est une professeure très timide et très réservée qui se fait un peu... qui se fait aborder par un de ses étudiants puis qui va finir par la... par lui donner de la drogue, du viol, et il y a des fantasmes, de toutes sortes de fantasmes par rapport à elle, fait que je ne vais pas trop aller dans le détail dans ça, on va en reparler, là, mais être aux prises un peu avec ce gars-là qui a des drôles d'idées pour elle. T'as Millicent et Thérèse, qui c'est une histoire de deux sœurs très, très, très différentes, une qui est très dévergondée, si on veut, puis l'autre qui est très réservée et très... C'est ça, exactement, t'sais. Toutes les deux jouées par Karen Black. Et t'as la troisième histoire où c'est une femme qui a acheté une poupée pour l'anniversaire de son chum, mais finalement, c'est une poupée qui est possiblement habitée par l'esprit d'un tueur, pas d'un tueur, mais d'un genre de chasseur. De chasseur africain, chaman, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, puis... Ouais. Fait qu'il va se passer des choses avec la poupée. C'est ça, en gros, les résumés. On va parler plus en détail des histoires de toute façon. Puis c'est ça. En gros, je pense que j'ai pas mal tout fait le tour, là. Fait que... Ton avis sur le premier segment, Jeff? Ouais, premier segment, Julie. OK, moi, j'avais jamais vu le film. Là, c'était la première fois, c'était une première expérience. Puis j'aime beaucoup le jeu de Karen Black, en général. J'ai toujours de l'admiration pour cette femme-là. Puis dans les trois segments, elle est superbe. Dans le premier segment, elle est très réservée, très le fun. Puis avec le twist à la fin, on voit une autre une autre version de son jeu, une autre facette de son jeu d'actrice. J'ai trouvé ça intéressant pour le jeu, puis c'est pas mal ça que je vais dire pour chacun des segments. J'ai aimé beaucoup le jeu, mais l'écriture laisse à désirer. Puis, tu sais, le déroulement de l'action est très convenu. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, de nos jours, qui va nous surprendre tant que ça dans ces films-là. On peut être surpris par les retournements de situation, surtout dans le premier, en fait, plus que dans le deuxième. Le deuxième, le retournement est comme... Je le voyais venir depuis longtemps, là, mais... Mais dans le premier, c'est ça. Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant à suivre. J'ai trouvé ça que c'est intéressant qu'on nous montre, tu sais, quelqu'un qui utilise la drogue du viol en 75, des trucs comme ça, des trucs que je pensais que c'était juste dans les années 90 qu'on a commencé à en parler, mais là, c'est vraiment... 75, c'est, ça m'a surpris. Puis... Mais tu sais, c'est ça, ça m'a pas emballé. Les deux premiers films m'ont pas emballé. Fait que je veux pas spoiler tout mon opinion du deuxième, mais j'ai comme fait meh. Tu sais, à la fin du premier, j'étais comme, ouais, ben, si c'était pas de Karen Black, puis de son jeu, puis tu sais, mais. J'ai fait, bon, c'est correct. Tu sais, y a rien de si mal que ça, là. Pis, mais je trouvais que l'écriture était mauvaise. On va en reparler plus en détail, mais c'est ça. Je sais que Vicky avait hâte d'en parler du premier segment, fait que je vais aller vite avec mon opinion. Comme ça, Vicky, je te laisse. Je te laisse partir, c'est une dérange. Mais moi, ça ressemble pas mal à toi, JF. Premier segment, je trouvais ça intéressant, correct. Karen Black est bonne. L'autre gars qui joue avec, il surjoue. Il est pas crédible dans son rôle de gars un peu obsédé. Puis, oui, peut-être que le retournement de situation à la fin va nous surprendre, mais je l'ai pas compris. J'ai pas compris c'était quoi le but de ce retournement-là. J'étais comme, what? Je me demande quel genre de personnage de Karen Black est pour que ce genre de retournement-là fit dans tout ça. Là. Fait que c'est ça, c'était intéressant, mais ça faisait pouet-pouet à la fin. Puis là, ça me laissait craindre pour les deux autres segments. Et on verra si mes craintes étaient fondées. Alors, Vicky, le premier segment. Je suis tellement surpris. Là, mon internet va pas super bien. Fait que quand ça coupe, faites-moi signe, je vais reprendre ma phrase. Parce que c'est vrai que je vais m'emporter. Moi, au contraire, j'ai adoré le premier segment. Souvent, j'écoute les films au bistrot, puis je peux pas les mettre sur l'écran parce que les films sont assez graphiques, les films pour Horror Gamer, on s'entend. Tu sais, je pense que je l'avais fait avec l'épisode là, qu'on avait fait sur les filles sorority, là. Les pyjama, puis il y a les seins tout le temps. Fait que j'ai comme arrêté à partir de cet épisode-là des écouter au bistrot parce que c'était pas possible. Fait que là, je suis au bistrot, puis je suis entre 2 heures d'ouverture pour une raison X, je suis au bistrot, mais le bistrot est fermé. Donc je me dis, je prendrai pas de chance, je vais le couper sur mon ordi. Et j'étais tellement mal à l'aise durant le premier segment, il m'a tellement rentré dedans, il m'a tellement fessé que j'ai fait, c'est la première fois qu'un film que je pourrais mettre sur l'écran me met aussi mal à l'aise. Je pourrais voir ce film-là sur l'écran, puis les gens passent dans la rue, puis il n'y aurait pas de malaise. Et pourtant, ce film-là me fait sentir mal, c'est épouvantable. Oui, les acteurs sont mauvais, mais tout de suite en partant, t'as un gars qui veut prendre possession du corps de sa prof. C'est son genre de gars qui fait « Ouais, mais tu sais, tu l'intéresseras pas. » Puis il répond quasiment du tac au tac « J'ai pas besoin de l'intéresser, j'ai de la drogue. » Tu sais, c'est quasiment ça qu'il dit. Il dit « C'est pas, ouais, mais je m'en fous, j'ai pas de l'intérêt pour sa personne, j'ai de l'intérêt pour elle droguée. » Et on a un insert, flash de comme c'est quelque chose qui pense de la prof nue inerte sur un lit. Là, j'étais là. C'est tout ce qu'il voit, what the fuck? OK, on va jusque-là. J'ai trouvé ça effronté d'aller jusque-là. Fait que oui, les jeux d'acteurs étaient mauvais. Même, tu sais, la prof, elle a comme une coloc, puis ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, on sort de ce personnage-là. Fait que, tu sais, oui, il y a vraiment des gros problèmes avec le film, mais le malaise que ça m'a amené tout le long, puis est comme, ah oh ouais, je me suis vraiment endormie, puis il fait, ah oh ouais, t'étais vraiment fatiguée. Fait que, tu sais, il y a comme, là, moi, je suis vraiment frustrée, puis, tu sais, tu te dis, ça sera pas un rape and revenge, parce que le personnage n'a pas l'air d'un... Tu sais, on l'a pas placé comme une fille qui serait capable de faire un rape and revenge. Fait que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et je me dis, c'est sûr qu'ils nous l'ont pas laissé planer comme ça. Je dis, je suis sûre qu'il va y avoir un retournement où elle va être forte, qu'elle va être plus forte que lui, mais comment? T'sais, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir un jeu de pouvoir. Le jeu de pouvoir va se replacer, elle va se venger, la coloc va prendre l'importance finalement, puis il y a quelque chose qui va se passer, ça peut pas être juste ça, c'est trop malsain. J'ai trouvé ça tellement malsain, malaisant, j'étais là, mais oh! J'étais bouleversée. Moi, j'écoutais ça, là, j'étais bouleversante dans le monde, je capotais, j'en revenais pas. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on parle trop de ça, justement, la culture du viol, ça me surprend que ce film-là ne ressorte pas plus. À mon avis, justement, il ne ressort pas plus à cause de la fin. Je ben pense oui, que la fin que la fin scrape tout, mais en même temps, on aurait dit qu'ils n'ont pas eu les guts de laisser en suspens, ils n'ont pas eu les guts de laisser une fille, parce que c'était pas ça, puis... Le personnage, c'est censé être elle qui est centrale, c'est censé être elle qui domine le film. Mm-hmm. Fait qu'elle ne peut pas se laisser avoir. Fait que oui, ça se crape. Je suis tout à fait d'accord que le retournement de pouvoir est mal placé. Mais il devait se faire, je pense, pour ne pas créer ce malaise. Tu sais, là, Ah, mais on l'attend, en effet. On l'attend, oui. Le retournement de pouvoir. Mais c'est juste que quand il arrive, on fait comme... Ah! Tu sais... finalement, tu fais comme, ah ben, finalement, tout le speech sur le viol et tout ça, ou quoi que ce soit, ouais. C'est plus, là, tu sais. On dirait que ça dénonce plus rien tout d'un coup, là. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, ce qui arrive, en fait, elle se fait violer, blablabla, puis là, à un moment donné, elle fait, oh, je t'ennuie, I'm bored. Tu sais, je m'ennuie, je m'emmerde. Alors que, même ça, il aurait pu aller plus intense, peut-être. Genre, I'm bored. J'ai compris que tu m'avais violé la première fois, puis je suis grand fan de, je sais pas, moi j'ai lu pas Sartre, mais ça c'est rien qui m'a dit. Justine ou les Insolences, Sodom, là, voyons. Je sais pas. L'auteur de Sodom. Merci. Oui. Pour ça j'avais Sartre en tête, Sad. Bref, ça aurait pu être juste ça. Genre, je teste un livre du Marquis de Sade. C'est n'importe quoi, c'est une prof. Quand l'étudiant, justement, il essaie de la manipuler en hein, cachant une note dans sa classe, tu sais, c'est malsain, là. C'est vraiment malsain, genre, l'étudiant, il essaie de la... Puis, le regard qu'elle fait est crédible, le malaise qu'elle ressent par cet étudiant-là est crédible, mais il aurait fallu qu'elle fasse un autre retournement, je sais pas. La balance du pouvoir devait revenir à elle, mais peut-être pas de cette façon-là, effectivement. Mais c'est quand même malsain, là. Tu sais, je trouve que ce film-là, pour toute la première partie, est à voir encore aujourd'hui. Sérieux, est à voir encore aujourd'hui. Pour voir tout ce malsain-là. Puis... Ouais. Je pense qu'il aurait pu faire un truc plus long avec ça, mieux écrit, là, mieux acté, puis tout. Il aurait pu faire quelque chose de plus long, puis mieux expliqué, puis pas nécessairement le retournement, parce que pas tout à fait de cette manière-là qui est. C'est ça. Il se passe, t'sais. Puis c'est trop précipité. Tu vois qu'il y avait peut-être trop de contenu, Dieu. Puis à un moment donné, c'est comme ils ont coupé court à plein de places, là, tu sais. Parce que, tu sais, le I'm bored, là, il arrive, puis c'est comme, bon, il arrive là, coup d'eau. Ouais, il y a des ellipses, il y a des bouts, tout ce qui fait. Ok, ça fait genre un petit bout de temps que déjà qu'ils font ça, là. Tu comprends qu'à un moment donné, ça fait plusieurs dates ou quelque chose comme ça, tu sais. Ou... En tout cas. Ah oui, et puis qu'il l'a fait, moi, de ce que j'ai compris, là, c'est qu'il l'a fait, elle s'est fait violer par beaucoup de ses amis à lui. Parce qu'il laisse une note, genre, j'ai des gens à te présenter. Oui, c'est ça, comme ce moment-là, si... on ne voit pas. Ouais, c'est vrai. Il l'a utilisé, tu sais, c'est ça exactement, ces moments-là, on ne les voit pas, mais il aurait fallu, je ne sais pas, moi, il y a moyen. Parce que, tu sais, quand elle dit « on board », elle était bien en veuve noire, elle était bien en mante religieuse, tu sais, il y a la symbolique de la robe noire aussi. Il aurait pu la bien n'importe comment, puis être en belle robe noire longue. Fait que c'est, tout, c'est puissant comme symbolique. Moi, je trouve qu'ils ont voulu, mais ils n'ont pas su. Oui, parce que c'est quand même intéressant que la femme, elle a ce fantasme-là d'être violée. T'sais, elle utilise les jeunes hommes pour assouvir un fantasme. Puis elle a un certain pouvoir. On pense peut-être qu'elle est sorcière ou quelque chose parce qu'elle a un certain pouvoir de suggestion. Parce qu'au début, dès qu'elle a passé devant lui, sa face à lui a changé. Fait, OK, elle, il faut que je la viole. Puis je ne pensais pas à ça au départ. Là. Ouais. Elle dit, tu sais, c'est pas pour rien que dès que tu m'as vu. Puis les images qu'il y a dans sa tête, c'est pas juste des pensées qu'il y a, c'est des images du futur. Il est exactement habillé pareil, c'est exactement les scènes qu'on voit plus tard. C'est des images du futur. T'sais. C'est comme si elle avait dit, toi, tu vas me violer, puis elle avait projeté une suggestion dans la tête. Ouais. Mais ça aurait pu être quelque chose de plus science-fiction. Oui. C'est une succube, une montre religieuse, Buffy saison 1, là, avec. Ah oui. Ouais. Tout ça, finalement, moi, on sait pas qu'est-ce qu'elle est. Je pensais qu'après son discours, blablabla, puis qu'elle se serait transformée en vampire ou quelque chose, tu sais. Mm-hmm. Quelque chose que, ouais. de surnaturel. C'est pour ça que je dis c'est le fun, mais ça va, c'est mal construit. Ouais. Comme, exactement comme vous dites, les gars, c'est mal écrit parce que ça aurait pu aller. Pourquoi que tout d'un coup, elle reprend le pouvoir? C'est que, comment qu'elle a fait justement pour le contrôler jusque-là? C'est ouais. trop. Là, c'est ça. Là, quand je disais que c'était mal écrit, il y a une scène en particulier moi qui me que j'étais comme c'est bizarre, je suis pas une fille là, je peux pas vraiment tout à fait dire, tu vas peut-être pouvoir me dire Vicky, mais la scène entre les deux colocs, justement entre elle et sa meilleure amie, c'est pas des colocs mais en tout cas elle et sa meilleure amie, à un moment donné quand t'as dit ah tu travailles encore, tu devrais arrêter, tu devrais aller sortir puis tout, puis elle était en train d'écrire à une table, tu sais, ou elle était en train de lire, son amie elle dit ah si tu t'arrangeais tu serais attractive, tu serais plus belle, c'est comme mais j'ai fait vraiment, là, tu lui dis ça de même bête comme ça, que c'est un gros pichou, là, la fille, ben, t'es pas plus subtil que ça. Ça m'a gossé. Il y a une manière, la manière qu'elle a formulé, ça m'a gossé dans cette scène-là. J'étais ouais. comme, tu sais, c'est des gars qui ont écrit ça, là. C'est pas une. Non, c'est pas ça, une exactement, parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un direct dans la vie, fait peut-être que je l'ai déjà dit à un ami, genre, ouais, mais Chris, peigne-toi les cheveux, pis. Mais, tu le dis dans une conversation qui fit. Tu le dis à un moment où elle dit. Ah si, je me sens toujours pas belle. Ouais, mais prends donc de l'argent, va t'acheter du linge puis ça te sentir belle. T'sais, c'est ça que je veux dire, pendant... c'est caricaturer une conversation de filles. Je pense que c'est ça que tu essaies de dire aussi. C'est ce que tu m'as donné, là. Ouais. Ouais. Une conversation de filles écrite par des gars, genre, ah, les filles, ça se bitch. Ouais, mais non. T'sais, ouais, parce... mais non. Ouais. Parce qu'en comparaison avec l'autre film dont on va parler plus tard tantôt, Magic, puis toi, que t'écoutes plus ou moins concentré, mais les conversations là-dedans sont 100 fois mieux. Mais en tout cas, c'est d'autres choses. Une autre écriture, c'est William ouais. Goldman. Mais, ouais. C'est un autre... commence pas à nous starter, ce non, Magic. Non, mais en tout cas. Ouais. On va le finir avant de le starter. Deuxième segment, Jeff, je te laisse continuer. Ah, ça me... Ah, OK, à part le jeu de Karen Black, je vais encore dire la même chose que dans le premier segment, à part le jeu de Rappelle-nous, Karen Black... Rappelle-nous, c'est quoi l'histoire? C'est Millicent et Thérèse. Millicent, non, c'est-tu Thérèse ou Millicent? C'est Millicent, la straight. La straight, c'est quoi qu'elle fait déjà? Elle avertit un gars, elle dit, tu devrais pas sortir avec ma soeur, parce que ma soeur, ouais. c'est une ci, c'est une ça, puis tout, puis... Mais on les voit jamais ensemble, t'sais, on voit la soeur, on voit Millicent, on voit Thérèse, mais on les voit jamais ensemble, fait que tu fais le lien dans ta tête, tu fais, ouais, OK, je pense que je comprends ce qui se passe. Oh non, non. Hey, c'est assez clair. T'as même pas encore vu sa soeur, puis t'es déjà en train de te dire... Ouais, je sais pas si ça va être ce genre de truc-là. Hey, man, t'as... là-dedans, c'est même pas genre j'ai deviné, là. Non. C'est même pas genre j'ai... T'sais, tu le regardes, tu te dis... Vous auriez pu être plus subtil, là. Non. Ah, non vraiment j'ai plus vraiment subtil. Pas aimé ce segment-là. À la fin, j'étais comme... Sérieux, là? C'est vraiment frustrant, là. T'sais, j'avais... j'étais pas fâché. Pas au point de tirer ma télécommande à quelque part, mais c'était comme... Calice, que c'est une perte de temps. Il y avait vraiment du padding à faire, puis il n'y avait rien. Il n'y a pas d'histoire, c'est dole, puis tu voulais venir. Mais non! C'est mais encore oui, parce que... fin vraiment garoché, excuse Vicky. Oui, mais non, c'est mais vraiment garoché. On parle des dialogues depuis tantôt. Dans le dialogue d'ouverture, elle dit ma soeur me dit tout, même quand elle ne me parle pas. OK, là, tu sais, il y a de l'évidence ici. Tu sais, la scène de la petite fille avec la poupée, c'est juste pour nous faire. Douter que peut-être que ouais. les deux femmes existent séparément, tu sais. Mais, si... oh, mais ouais. ça marche pas, ça marche pas. J'avais oublié cette scène-là tellement qu'elle était inutile. Mais c'est sa seule... Moi, je pense que c'est sa seule raison d'exister. Ouais. C'est pour nous faire douter en tant que spectateur que, ah oui, peut-être que les deux femmes existent séparément pour de vrai. Parce que la petite fille, elle les connaît séparément, tu sais. Finalement, il n'y a aucune histoire. Il n'y a pas de point A au point B. Il n'y a rien. Ce n'est pas un scénario. Ce n'est pas une histoire. C'est une fille qui est fâchée contre sa sœur. Puis on voit pourquoi qu'elle est fâchée jusqu'à temps qu'elle décide « Je vais tuer ma sœur. » Puis t'es comme « Oh boy. Oh, je te vois Mais Karen Black, dans les deux rôles, est totalement différente. Puis oh oui. dès que le segment commence, moi, je ne voyais plus Julie. Même si elle était habillée quasiment pareil, je ne voyais plus Julie, je voyais Millicent. Tout de suite, elle avait une démarche différente. Elle faisait comme un peu marcher, pas tout croche, mais avait comme... Tu voyais qu'elle était plus fragile encore que Julie, elle était différente. Là, ouais, ça, tu as tout à fait raison. Du coup, quand le deuxième film commence, elle est habillée similaire, je lui ai fait « Oh, OK, c'est peut-être un défaut. » Ils ont risqué, puis là, finalement, elle embarque un peu... Elle est plus fragile, mais elle est plus folle. Là, oui, oui, elle a quelque chose d'un... Elle a des lunettes sont différentes, puis elle a quelque chose de différent en face là, qui fait qu'elle est plus, elle a l'air plus folle un peu. Là. La sœur jumelle, C'est tellement fake comme costume. Ben comme ouais, c'est tellement fake. Là, tu dis, pourquoi vous me montrez que c'est une perruque? Je le sais que c'est une perruque. C'est ça, ça se voit. Actrice, mais son jeu, tu sais, je veux dire, moi, juste en tant qu'actrice, tu vois qu'elle a joué la séductrice, puis elle l'a, là, tu sais, quand même. Là, tu sais. Oui! Karen Black, je parle. Pas... Oui, ouais. Mais c'est le costume. C'est le costume, oui. Tu vois que c'est une perruque, c'est comme... Non, mais je sais. Oh my God, tu fais quelque chose. Tu sais, je... à la limite, mettez-la en cancéreuse, puis c'est une perruque. C'est rentré le fait qu'elle a des perruques, là, je sais pas. Puis ce qui me fait rire, ah, pas ce qui me fait rire, mais oui, en même temps, c'est que t'as un gros élément surnaturel dans le film qui est comme bien banal. J'ai fait une poupée vaudou de ma soeur, puis je vais la tuer, puis ça marche. Mais tu fais comme, pourquoi? Pourquoi aux trois quarts, tout d'un coup, le vaudou embarque, puis tu sais... Ouais. Ça sort de où, cette histoire-là? Puis tu vois vraiment que l'idée, c'est que c'est une des seules façons qu'elle puisse tuer sa sœur sans qu'il y ait de confrontation entre les deux face à face. Ouais. Tu sais, là, je sais pas, moi, limite, empoisonne son drink, tu sais, ou quoi de même, tu sais. Ça pourrait pu être intéressant. Tellement! Ah oui, empoisonne son drink. Tu sais qu'à toutes les soirs, elle va chercher un drink dans la même cuve de rhum ou je sais pas trop, puis elle empoisonne le rhum, tu sais. Mais oui! Oh, God, tellement! Mais tu sais, en plus, elle dit, je crois qu'elle la traite de sorcière, je sais pas quoi, puis là, elle montre les livres, là, dans la bibliothèque, t'es comme, oh my God, qu'on s'en fout que t'aies full de livres, ça rend pas ça plus crédible, là. Non, c'est pas parce que j'ai plein de livres sur l'au-delà que j'ai vu des fantômes, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais je pense qu'on peut pas vraiment. Au lieu de la scène de la petite fille qui a sa nécessité, mais qu'on s'en fout, ça aurait pu rire des scènes où elle était sorcière, des scènes où elle avait un vrai don. Ouais. Si tu peux nous amener que le vaudou fonctionne, là, je veux dire. Ouais. Mais je pense que c'était juste une erreur, le vaudou, là. Il y avait bien d'autres façons. Ben oui. Puis, c'est parce que c'est ça. Trilogy of Terror, fait qu'il y a quelque chose d'horreur un peu là-dedans, tu sais, je sais pas. Ouais. Ouais, mais encore là, le premier, il n'y a pas de science-fiction, c'est le reproche que j'y fais. Ben, on sait pas. Le premier vraiment, est comme t'sais. Le truc sur elle, qu'est-ce qu'elle est, parce qu'elle semble. Mais c'est encore ça, c'est que l'élément semi-surnaturel du premier épisode est caroché. Ouais. Genre, ouais, je t'ai suggéré ça dans la tête. OK, pourquoi? Ouais. Puis là, c'est genre, oh, je fais du vaudou. OK, ben ouais. Tu sais, c'est tu te dis, voyons, mais au pire, mettez pas de surnaturel, vous faites juste mettre un suspense, tu sais. La troisième est full surnaturel. Je pense qu'ils avaient une bonne histoire pour le troisième. Ils ont dit, on va regarder pour la fin. Mais les deux autres, c'est comme, c'est des idées pas finies. Idées pas finies, c'est vrai. Ben, la deuxième, c'est un film pour ado. C'est un truc d'horreur pour ado. Là. C'est un Tales of From the Crypt, mais pour ado. Ben, ça a été un frisson. Ouais, un goosebump. Ouais. Oui, c'est ça. Un frisson, un fais-moi peur, là, le deuxième. Là. C'était. C'est d'un ridicule. Là. C'est pour faire peur aux jeunes de 12 ans. Là. Parce qu'ils voient un cadavre. Parce qu'au final, l'histoire va pas. Ouais, il n'y a pas grand-chose de terreur là-dedans. Là. Non. Hey, on passe tout de suite au troisième segment, à moins que vous aviez d'autres choses. Ben, je voulais juste rajouter. J'étais juste content de voir. Content. C'est un gros mot, mais j'ai souri quand j'ai vu que le psychiatre, son docteur, en tout cas, c'était le chef de la police dans la Police Academy. Oh, mais je. Non, là, j'étais plus là. Anyway. Mais le troisième, c'est l'histoire de. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Mildred, c'est tout ça? J'ai plus à. Amelia. Amelia, ouais. Qui achète une poupée qu'elle appelle une Zuni, une poupée Zuni, pour Zuni Fetish Doll, pour son chum. Puis finalement, ben, tu sais, son chum, elle va avoir une petite chicane avec lui au téléphone. Puis la poupée, elle explique à sa mère au téléphone, c'est vrai, elle explique que la poupée, elle a une chaîne en or qui enferme l'esprit d'un chasseur Zuni. Je ne sais pas exactement c'est quoi Zuni, mais un chasseur antique, là, ancien. Là. Puis il faut pas absolument que la chaîne soit coupée, mais justement, comme on peut s'imaginer, c'est un film d'horreur, la chaîne va se défaire. Et la poupée va disparaître. Puis elle pense qu'elle tombe en dessous du divan, tout ça, puis elle la cherche. Puis là, ben, c'est là qu'il y a un jeu de chat contre la souris qui se passe. Et qui avec la poupée elle maléfique. Va courir après la poupée. Puis la poupée est si vraiment trouvez... cool. Ouais, mais si vous trouvez que Chucky, on pourrait facilement le botter, mais dites-vous que la poupée a fait la moitié de la taille de Chucky. Ouais, mais plus violente. Ah ouais, plus violent. Plus violent. Elle, elle passe pas parmi le chemin. Pas de one-liner. Juste des petits sons bizarres. Ça. Exactement ce que j'allais dire. Ça sonne un peu, un petit peu des fois comme les Martiens de Mars Attaque. Des fois, elle a un peu la même voix. Elle est toujours juste en gros plan pour qu'on ne voit pas qu'elle est mal animée. Là. Fait que c'est juste genre probablement quelqu'un qui tient un bâton qui fait bouger son bras puis elle fait juste... Mais pour 75, je trouve ça creepy pareil. Je trouve que ça fonctionne. Je trouve que le troisième segment a fonctionné. Tu le regardais en plein jour puis j'étais comme... Ouais, il y a un petit peu de suspense par bout. Là. Il y a vraiment des scènes là, que je trouve... Oui, ça peut avoir... c'est ridicule, mais en même temps, je trouve qu'elle a une face épeurante. Je trouve qu'elle a une face cool, la poupée. Selon moi, en tout cas. Là. Puis moi, j'ai aimé le segment. Oui. Il y a une couple de petits détails que je trouvais... questionnable, mais sinon, j'ai bien aimé ça. Là. Je trouvais que ça valait sa réputation. Là. Moi, j'ai ri beaucoup. Oui. J'ai beaucoup ri. Mais oui. Je me suis beaucoup amusé. Je me suis beaucoup amusé, puis il y a des moments où j'ai fait comme « Ah, c'est freak. » C'est quand même freak. Oui. Mais, tu sais, j'étais tout le temps comme intéressé, puis oui, il y a des bouts où je me disais « Eh, où la tabarnage? » Parce qu'elle n'arrête pas, elle n'est pas arrêtable. Ouais, elle n'arrête pas, elle n'est pas arrêtable. Quand elle mord dans le cou, puis tout, tu fais « Calice, comment est-ce qu'on va faire pour s'en débarrasser? » Oui, ouais, c'est ça. À un moment donné, moi, j'étais comme « Calme, comment qu'on va faire pour s'en débarrasser? » Exactement, tu sais. Puis, c'était cool. Tu sais, j'ai jamais senti que Karen Black, oui, tu sais, est un peu faible, puis, tu sais... pris au dépourvu, quoi. Mais en même temps, tu te dis, bon, une petite poupée d'un pied qui me court après avec une lance, qui essaye de me tuer puis de me mordre, ça se pourrait que mon cerveau, pendant les 2-3 premières minutes, ait de la misère à processer une façon de m'en sortir. Je pense que je serais juste comme, quoi, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai comme accepter ça. Mais tu sais, des bouts où elle essaie de poigner le couteau qui essaie de sortir, j'étais comme, mais alors pourquoi t'essaies de poigner le couteau? Ouais, c'est ça. T'sais. Des bouts qui marchaient pas. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a amusé beaucoup. Toi, Vicky? Ben, comme tu dis, ça t'a amusé. Fait, c'est vraiment le but de ce genre de film. C'est la question à avoir. Fait que moi, j'ai correct, mais sans plus. Moi, c'est vraiment le segment, c'est pas le plus faible. Là, lui, du centre est beaucoup plus faible. Mais j'étais comme, je comprends pas le culte. Vraiment, je cherchais le culte. Là, je que tu veux dire le culte par rapport à ce segment-là? Ouais, je comprends. Steven, tu dis qu'il l'écoutait en continu avant. Je suis comme, ben voyons, il me semble que... Mais je pense que c'est comme n'importe quel autre monstre. Ça va avoir un effet sur toi ou pas. La poupée, si tu l'écoutes, j'imagine, à 3h du matin dans le noir, je sais pas. Elle est pas... En 2017, ça marche peut-être moins qu'en 75, mais quand ça a passé à TV en 75, ça a dû être quand même assez fréquent. Puis il y a beaucoup, beaucoup de jeunes à l'époque qui sont devenus adultes maintenant, ou c'est ça, qui ont été traumatisés par ça. Tu vois plein de commentaires sur le net là-dessus, des gens qui ont fait des cauchemars à propos de ce poupée-là. Fait que je peux l'imaginer. Je me suis mis dans la tête de quelqu'un de peut-être de l'époque pour essayer de l'imaginer. Mm-hmm. Puis je trouvais que quand même, à part la voix, à part les sinon tout le reste, je trouvais que c'était efficace, là. À part la voix qui, je trouvais un peu ridicule, mais je trouvais qu'elle... Ouais. Son côté frénétique, très rapide, puis justement les shots, comme tu dis, Seb, pour pas qu'on voie comment ce qu'elle est faite, je trouvais que c'était efficace. Je trouvais que ça marchait encore. C'est quand même correct. Parce que tu vois pas les fils, tu vois pas rien. Je dis les fils entre guillemets, je sais pas, il y a pas de fil, mais je veux dire, tu vois pas comment c'est fait nécessairement. T'as voulu sortir du bain à un moment donné, de loin, puis j'étais comme, wow, OK, c'est cool, ça, c'est... Il y a des petits moments comme ça, je trouvais ça le fun. La finale est creepy. Oui. Ça, le plan final sauve le récit. Ouais, parce qu'il est vraiment creepy. Avant qu'elle ouvre la bouche, tu fais comme... Il y a de quoi dans sa face qui est bizarre. Puis là, tu la regardes, tu fais comme... C'est bizarre. Mais sauf que, bon, je m'étais fait voler le punch par un screenshot sur le net. Malheureusement. Parce que, tu sais, tu vois un screenshot sur le net, là, tu sais, parce que tu cherches le... avoir des informations sur le film. Il y a un screenshot, puis rendu au troisième segment, j'avais pas encore vu cette image-là. Mm-hmm. C'est la dernière image du troisième segment, j'étais comme ah, tabarnouche, ok, j'ai compris ce que ça s'en va. C'est un peu dommage parce que moi, je pense que c'est le segment avec la finale qui coule le plus. Oui. Je trouvais qu'il était complet, ce segment-là. Je trouvais que les autres n'étaient pas finis, je trouvais que lui était complet, il expliquait tout ce qu'il avait expliqué. Mais les deux autres, selon moi, étaient... Il aurait fallu que ce soit un petit peu plus long chacun, puis qu'ils expliquent plus les détails de leur scénario, de leur intrigue. Là. Mais le dernier plan, c'est justement comment réussir en un seul plan à t'expliquer ce que tu veux dire, qui n'est pas fait des deux autres. Ouais. Le premier, c'est mal expliqué. Le deuxième est trop verbeux. Fait qu'il dit tout. Ouais. Là, on a vraiment une belle balance. On a une belle balance. Un plan, tout est dit, tout est fait, tout est clair. Quand je disais tantôt qu'il y avait une couple d'affaires questionnables, c'est surtout par rapport, moi, quand t'es dans la cuisine, je me disais pourquoi il a fallu qu'elle ouvre la porte du four pour qu'il se passe ce qui se passe dans le film. OK, je comprends l'histoire de la chaîne. Dans le rouleau, c'est écrit l'affaire de la chaîne en or, tout ça, mais le four, il est pas en or, là. Pourquoi est-ce que ça va passer au travers de la porte? C'est juste un effet, je comprends. Mais en effet. C'est un détail dans la logique de la chose. J'étais comme... OK, c'est un détail. Moi, je l'avais pas questionné, cet effet-là, mais là, Qu'est-ce qui empêchait l'âme de traverser la porte faux, tu sais. En même temps, ça n'empêchait pas l'âme de se déplacer, ça empêchait la poupée de prendre vie, l'âme de comme s'activer. L'âme était dans la poupée. L'âme était déjà dans la poupée. Oui, elle était prisonnière là. Elle était prisonnière, elle était comme pas capable de vivre à cause de ce truc-là. Mais après ça, on ne sait pas là, qu'est-ce qui se passe. Là. Est-ce qu'elle peut. Est-ce que justement ça se. Il faut que les deux corps soient en contact, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ça. Je pense que c'est le bon segment. Je pense que. Ouais, moi, je suis sûr, je comprends tout à fait ton point de vue, Vicky. Il est où le culte là-dedans? Mais comme Jeff dit, je pense que c'est ça. Là. Il y a beaucoup d'histoires de. C'était de l'époque et c'est bien fait pour l'époque. Ben, remis dans son contexte, je pense que ça fait. Ouais, remis dans son contexte, je pense que ça marche. Avec autant que tu as ouais, oui, vraiment. Ça ne s'adresse pas à quelqu'un de 28, 29 ans, 30 ans. Non, ça s'adresse peut-être à. C'est ça, un ado, puis c'est vrai que ça peut marquer pour un ado. Ouais. Tu sais, je me souviens encore fortement des épisodes de Tales from the Crypt, tu sais. Ouais. Qu'aujourd'hui, je réécoute, puis je fais comme « Ah, OK, c'est cool, là, mais tu sais, pourquoi est-ce que ça m'a marqué à ce point-là plus qu'un autre? Je sais pas. » Non, ça m'empêchera pas de dormir, ça, c'est sûr et certain, cette affaire-là. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, moi, je me souviens, puis on parle de poupée, la poupée dans Goosebumps, ça fait peur à ben du monde, là. Ouais, en effet. Elle ne parle pas, là, le ventriloque, là, la poupée ventriloque, elle revient en deux. Je pense que c'est un des seuls que le personnage revient en plus que des segments. Ouais. Je n'étais pas assez fan de Goosebumps pour te confirmer, mais je sais qu'il revient en plus quand même. Je suis très, très fan. Je pense que c'est un des seuls où un des personnages. Peut-être que ça arrive. En tout cas, le plus populaire, c'est cette poupée-là. Elle revenait. Ça faisait peur en sacrément qu'elle vienne. Sur ça, on va y aller avec les recommandations. Je peux aller avec un petit détail sur le premier segment que j'ai oublié. Oui, vas-y. C'est vraiment un petit détail niaiseux de cinéma. Là. C'est de une convention d'habitude quand tu vois une caméra qui fait un plan large sur un drive-in. D'habitude, tu entends le son du film. Là, on n'entendait pas le son du film. J'ai fait, c'est donc rafraîchissant. Oui, c'est juste quand la caméra est rentrée dans le char qu'on a entendu le son. J'ai fait, oh, qu'est-ce que c'est cool ça. C'est un détail. Là, ouais, mais... je regardais et j'étais comme, pourquoi j'entends pas le film? Oui. C'est bizarre, ouais, je me souviens, ouais. T'as raison. Il y a Steven qui est sur le chat, parce que, bon, vous le savez, il y a du monde qui nous écoute live et qui commande. Je voulais juste lire le commentaire de Steven, parce qu'il résume son opinion sur le film. Il dit « Une chance que Karen Black est bonne pour nous faire endurer la banalité des deux premiers segments. Sinon, le troisième sauve la mise et reste la raison du pourquoi ce film n'est pas tombé dans l'oubli. » Je pense que ça résume bien. Je ne suis pas prête à dire que le premier segment est banal. Il est peut-être mal construit, il est peut-être mal réalisé, mais il n'est pas banal. Je ne trouve pas du tout qu'il est banal, au contraire. Je pense, ouais. Il y aurait de quoi de plus long à faire avec ça, de plus élaboré, de mieux expliquer. Je pense que ma déception prend le dessus sur tout le reste par rapport à ce segment-là. Ce qui fait que je ne l'aime pas tant que ça, ouais. Ma déception vis-à-vis de la finale me fait oublier le restant du segment. Mais moi, ça l'a vraiment ruiné. Tu sais, il y a des finales, des fois, c'est comme un punch, ou en tout cas, la manière de se conclure, tu fais comme « bah ouais ». Mais là, je trouvais que ça enlevait tout l'effet sur le reste du film. En tout cas. Mais quelles seraient vos recommandations vis-à-vis de ce film? Jeff? Honnêtement, je l'ai vu sur YouTube. Je pense que regardez-le, louez-le, ben regardez-le gratis si un ami l'a ou quelque chose, ou sur YouTube. T'sais. C'est rare qu'on le dise même, mais je vais le dire là, ce soir. Ouais, mais on est dans un film de 75 qui n'a pas de réédition sur réédition non plus. Puis, tu sais. Mais ouais, non, mais il est disponible quand même. La qualité est correcte. Mais il est disponible en DVD, oui. Mais c'est ça, tu, de le voir une fois. Moi, je ne le reverrai pas une deuxième fois. Là, mais une fois, c'est correct. C'est en masse. Toi, Vicky? C'est quelque chose que je présenterai au bistrot, c'est quelque chose que j'aurais proche de moi, ouais. Vraiment. Ouais. Le premier segment, même si il tombe à plat, moi je trouve que son importance est au départ. Puis le troisième segment, je trouve que c'est intéressant de le voir au moins une fois. Pour la petite poupée, je trouve ça bien fait, je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. Fait que ouais, moi ça serait un chat. Moi, ça va être un trouver un moyen d'écouter le troisième segment. Puis après ça, réécouter. J'aurais dû faire ma recherche avant, mais réécouter, je pense que c'est la saison 3 des Simpsons ou saison 4. Le segment de l'épisode de l'Halloween où Homer achète une poupée Krusty à Bart, mais la poupée Krusty veut le tuer. On voit clairement d'où vient l'inspiration pour tout ça. Puis j'ai beaucoup plus de plaisir à réécouter ce segment-là en boucle. Hey, sur ça, on va passer en musique, les amis. On avait une suggestion Mais c'est deux suggestions de Vicky. C'est vrai, c'est fou. Vicky, t'es en feu. C'est n'importe quoi. Ça mérite pas d'être dit. Ah, ouais, ben, regarde, tu vas assumer tes choix. Ah oh, oui, je les assume, par exemple, parce que là, celle-là qu'on voit, c'est une tune de Marvin Manson. Fait que je me dis, au moins, on déstabilise pas trop nos auditeurs. C'est bon. Puis on les déstabilisera après. Puis c'est une tune de Marvin Manson parce que dans mes souvenirs, le vidéoclip, il y avait des marionnettes. Ça se peut que ce soit même pas vrai. Ça se peut que ce soit pas vrai, mais anyway, c'est ça qu'on va l'écouter. C'est Marilyn Manson avec petit M obscene. I'm obscene, I'm obscene, I'm obscene. I'm obscene. Obscene. À tantôt. À tantôt, m'obscene. OK. Age, then now my name, wanted to scum and base and make. À la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on est de retour pour notre deuxième film, Magic, de 1978. J'ai oublié de sortir ma page IMDB, mais il me semble bien que c'est ça. 1978, oui. Mettant en vedette Anthony Hopkins et Anne Margaret. Aussi, il y a Burgess Meredith, celui qui joue... je m'en souviens pas son nom, l'entraîneur de Rocky, c'est... Mickey! Mickey, c'est ça. Il y avait Jimmy, et puis là, je sais comment. C'est pas Jimmy. Mais Mickey, ouais. Mickey! Donc, Et c'est réalisé par Richard Attenborough. Ceux qui vous disent, qui se demandent qu'est-ce que ça me dit, pourquoi j'ai ce nom-là en tête, ben, c'est lui qui avait réalisé, entre autres, Chaplin, mais aussi qui jouait dans Jurassic Park, qui dépensait sans compter, c'était lui, monsieur. Et c'est un scénario de William Goldman. Et même la musique, c'est Jerry Goldsmith? Oui. Oui, Jerry Goldsmith. Mais William Goldman, il a écrit les romans de Princess Bride, de Marathon Man, de plein de films intéressants, ben, qui ont donné des films intéressants. Puis c'est lui qui a écrit le scénario de ce film-là, basé sur son roman. Ouais, good. Puis c'est ça, mon vedette Anthony Hopkins qui joue le rôle de Corky, un magicien ventriloque qui a sa poupée Fats, qui est comme son charme, qui l'appelle au début du film, où son mentor lui dit « Trouve-toi du charme parce que t'en as pas ». Donc Fats devient un peu son alter ego qui dit les vacheries, qui pense les choses un petit peu qui n'est pas politiquement correct. Et Corky devient célèbre, mais un certain concours de circonstances va faire en sorte qu'il va retourner dans son patelin d'enfance et rencontrer son amour de jeunesse. Et Fats va se dresser entre les deux. Et il va mettre des bâtons dans les roues de Corky. Ça ressemble pas mal à ça. Oui. Si on y va rapidement avec nos impressions, j'ai adoré Magic. J'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Anthony Hopkins est complètement malade. Les dialogues, tu l'as dit tantôt, Jean-François, sont écœurants. Aucune scène de superflu. Il y a toujours quelque chose de substantiel dans les scènes. Si c'est pas dans le dialogue, c'est dans le non-dit, c'est dans les réactions des personnages. Fats est vraiment écœurante comme poupée. Très, très bien animée. C'est Anthony Hopkins, évidemment, qui fait sa voix. Autant quand elle fait ses spectacles. Je pense qu'il fait du vrai ventriloquisme. Il a étudié pour ça. Puis... Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est toujours son rendu, mais en tout cas, ça disait qu'il avait étudié un peu ça pour le film puis qu'il avait appris à la manipuler. Il y a des trucs dans les détails de la réalisation qui sont vraiment intéressantes. Les acteurs, je les ai tous trouvés très, très bons. Il y a peut-être pas la performance d'Anne Margaret, mais son personnage m'a gossé en femme beaucoup, beaucoup trop soumise et qui manque de profondeur un peu, puis qui manque de drive, je trouve, qui se laisse beaucoup trop avoir sous plein de niveaux. On pourra en reparler. La musique de Jerry Goldsmith est écœurante. Le genre d'harmonica, de qui embarque quand quelque chose est un peu mystérieux. J'ai trouvé ça trippant. Le film prend pas son public pour des imbéciles. À part peut-être les 30 dernières secondes, il n'y a rien qui m'a fait tilter là-dessus. Je vais demander l'avis de Jean-François, parce que Vicky, on te garde en dernier. Je reste le temps de mûrir ton opinion. Qui est vraiment toute fraîche. Jeff, je te laisse aller avec ton opinion. C'est copier-coller sur toi, en fait. J'ai adoré. De la première seconde jusqu'à 30 secondes avant la fin du film, j'ai adoré le film. Il n'y a rien qui m'a gossé. Moi, personnellement, même Anne-Margaret, je l'avais pas vu comme... J'ai rien vu, en fait. J'ai pas pensé au personnage. J'ai pas... Il n'y a rien qui m'a gossé dans le personnage. Fait que, tu sais, je le vois un peu ce que tu dis, mais je... sur le coup, ça m'a pas gossé. Je l'ai comme tout accepté dans le film. Moi, c'est surtout les dialogues. J'aimais... Je me répète, là, je le dis souvent dans les épisodes, mais j'aimais ça voir un film adulte. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un drame psychologique. Puis j'aimais ça voir des situations d'adultes. Puis les gens se parlent sérieusement. C'est pas enfantin, c'est pas juvénile, c'est pas niaiseux. C'est jamais parler pour rien dire. C'est... Ouais. Puis je sais pas, j'ai adoré Burgess Meredith. J'ai adoré tout le monde dans ce film-là. Et le gars qui fait Duke aussi, je l'ai déjà vu dans d'autres films. Oui. J'arrive pas à dire quoi, mais oui. J'ai tout aimé les personnages. Ed Lauter, mais ouais, moi aussi, il me disait quelque chose. C'est ça, j'ai tout aimé les personnages, j'ai adoré la poupée. Ah, la musique, il y a des bouts, je crois que les violons étaient trop appuyés. Des moments où tu sens qu'il va y avoir un moment de suspense, des violons oui. Incroyables. Mais c'est vrai que l'harmonica, quand on voit la poupée des fois, puis comme la scène de sexe, je pense, où tu as l'harmonica qui revient de temps en temps sur la face de la poupée, je suis comme, ok, ça c'est génial, ce petit bout. Des fois qu'on cote sa poupée, la musique d'amour continue, mais t'entends juste un... Ça, c'était bien pensé, ça. Puis les plans, ça se passe dans les Catskills. J'ai pas regardé si c'était tourné là, mais tu sais, la montagne, la forêt, tout, le lac, tout est beau. Ah non, moi, j'ai vraiment adoré ce film-là de long en large. Ça. Puis, sauf les dernières secondes. Mais je comprends pas ce que vous avez contre les dernières secondes. Écoute, on y reviendra. Oui. On y reviendra. Ouais, dans la section spoilers, on y reviendra. Puis il y a un moment dans le film. On va faire une section spoilers, ça vaut la peine. Puis il y a un moment dans le film où j'ai eu peur que le film me laisse tomber. Puis après ça, j'ai fait. Phew, ok. Ouais, là, j'étais comme, non, on va pas là, on va pas là. Mais j'étais comme, ok, phew, c'est correct. Parfait, super. Mais ouais. Vicky. Alors, Vicky. Moi, je suis pas aussi enthousiaste que vous. J'ai trouvé que le film était très long à démarrer. Très long. J'ai trouvé qu'il a commencé à m'embarquer quand le producteur, son agent, revient le voir puis il sépare les deux gros cris de cigare. C'est quand la pause des 5 minutes, là, c'est tellement hot. Là. Oui, c'est là. Moi, c'est là que j'ai commencé à m'embarquer. Ouais, moi, c'est là que le film m'a eu. Avant ça, pour vrai, je trouvais ça long. Là. Je me demandais quand ça allait partir. Là. Disons que le montage de la scène d'amour, ça vous a plu? Moi, j'ai trouvé que, je sais pas, c'était sirupeux un peu comme montage. J'ai pas aimé ça pour cette scène-là. Le film est à voir et à revoir parce qu'il laisse beaucoup de sous-entendus, parce qu'il laisse beaucoup de choses en plan. Je pense qu'on n'a pas la même interprétation des 30 dernières secondes. Je pense. On pourra en reparler tantôt. Mais moi, personnellement, je sais pas, le film, j'ai adoré l'interprétation, vraiment, vraiment. J'ai trouvé aussi que plus le film avançait, plus on s'arrangeait pour que la poupée ressemble à son créateur sans que ce soit juste par le linge. Et oui, il y a le linge, mais je trouvais qu'on. J'ai l'impression qu'on a changé. Ouais, j'ai l'impression qu'on a changé de maquillage au fur du film. Ouais. Quand il est adossé au mur, là, on le voit juste, on voit Anthony Hopkins des pieds jusqu'à la tête, il est adossé, adossé avec un couteau dans les mains. Je pensais que c'est la poupée qu'on verrait. Ouais. Ouais. Puis quand il y a cette scène-là, justement, ben, il est dans un cadre de porte qui forme une boîte. Il a l'air dans une boîte de poupée. Ouais. Donc, j'ai l'impression que ce film-là, il est en parfaite maîtrise de ce qu'il fait. C'est moi qui embarque pas. C'est pas moi, je veux dire, je pense pas que le film est le problème. Je pense que c'est pas mon genre à moi. J'aime les thrillers psychologiques, mais je m'attends à ce qui se passe un petit peu plus au départ. J'ai pas eu assez de gras autour de l'os au départ dans le film pour vraiment faire. Je veux qu'on. Moi, j'ai sympathisé avec Anthony Hopkins dès la première scène, tout de suite, quand il racontait son histoire, puis je voyais que, tu sais, on voyait dans les flashbacks que ça s'est pas passé, pas en tout comme il raconte, puis j'ai sympathisé avec lui, c'était incroyable. Là. De suite. J'étais comme, je l'aime, ce personnage-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime. Tu sais, c'est ça. Puis moi, je l'aimais aussi. Puis les premières scènes avec Peggy Ann Snow, qu'elle s'appelle, son personnage, Anne Margaret. Déjà là, je commençais à faire comme, oh non, il est pas cool. Puis là, je tripais plus. Là. La première scène où il faut regarder les cartes. Ah, moi, je le capotais. Moi, t'écoutes, je trouvais qu'il y avait une tension là-dedans. Mais oui, mais ça, c'est tout dans la même période. La scène d'après, c'est la scène de l'agent. C'est ça que je t'ai dit. C'est vraiment un coup. Tu sais, quand il dit, il est au chauffeur de taxi, puis je te donne 100$ pour que tu dises pas que je suis ici. Tu dis, mais voyons, ce gars-là, c'est un mythomane, c'est un croche. Je comprends pas pourquoi on essaye de créer un suspense. T'sais, c'est pas aussi grave que dans le premier film, là, à quel point le deuxième segment n'a pas de suspense, parce que c'est évident. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est évident, puis mais je dis que on tourne autour du pot. J'ai l'impression que le film tourne autour du pot beaucoup trop longtemps. Ah ouais? Ah ben, tu vois, je sais pas. Intéressant. Je voyais ce que le film voulait aller, puis je voulais pas qu'il aille là. T'sais. C'est surtout ça. C'est que j'espérais qu'on se rende pas là. Puis, fait que, dès l'histoire des examens médicaux, j'étais comme, oh mon Dieu. Mm-hmm. Il est beaucoup trop insistant, là, c'est sûr qu'il y a de quoi qui marche pas. Puis là, on sait pas encore exactement avec quoi ça craint, mais on s'en doute. Puis, dès ses premières frustrations par rapport à ça, j'ai fait comme « Oh shit, ça y est, ça va mal virer. » Bon, on s'entend que ça va bien virer, mais ce que j'ai aimé, c'est... On parle de film de poupée démoniaque, mais j'ai vraiment aimé cette poupée démoniaque-là, même si elle n'est pas tout à fait démoniaque, tu sais, c'est ça, là, tu sais... Il y a de quoi de... À part un certain moment où on en reviendra dans les sections spoilers, où ce que... GF, je suis sûr que c'est de ça que tu faisais référence. Mais je pense qu'on a besoin d'aller en spoilers pour ce film-là. On peut pas en parler trop en profondeur. Mais moi, c'est peut-être juste parce que le fait que j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que GF a vraiment aimé ça. Je veux pas spoiler parce qu'il y a peut-être du monde qui va être vraiment crinqué. Moi, ça a été une belle découverte. Fait que je veux pas la spoiler pour personne. Là, logiquement, si on veut parler plus du film, faudrait passer en section spoilers. Fait qu'on va se réserver une section spoilers pour la fin de l'épisode, après la musique de fin, après qu'on vous ait tous dit bye-bye. Ceux qui veulent aller à la section spoilers, écoutez jusqu'à la fin, vous pourrez nous entendre dévoiler certains punchs du film, parce que oui, il y a des scènes qui valent vraiment la peine d'être gardées secrètes pour bien apprécier le film. Sinon, ben, je pense que ceux qui vont avoir écouté la session spoilers vont vraiment savoir à quel point qu'on a vraiment aimé le film. Même Vicky, mon Dieu, tu semblais pas si enthousiaste que nous, mais en bout de ligne, je t'ai pas senti si... Comme je disais, vous avez trouvé que toutes les scènes du début avaient une signification, je les ai trouvées longues. T'sais, vous dites, on va se retrouver au restaurant... pour signer un contrat télé, puis t'es avec Carson, moi je m'en foutais bien raide de tout. Tu sais, qu'il descend dans son village parce qu'il veut éviter un examen maladie, je m'en fous. Tu sais, je suis comme, get to the point. Ok. Parce que tu sais, en plus, toutes ces bouts-là, il n'y a pas tant que ça avec la poupée non plus, là. Non, en effet, vraiment, toutes les scènes commencent quand il arrive là-bas au chalet. C'est ça. Non, c'est ça que je suis comme, get to the point. Je trouvais ça intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il... De quoi il voulait se sauver, tu sais? Pourquoi il en arrivait à aller... à retourner chez... à son lieu de qu'il avait grandi, tu sais? Je pense qu'à ce moment-là, c'est que je savais pas... Moi, personnellement, c'est que je savais pas dans quel genre de film je m'embarquais. Puis, j'acceptais que ça allait être un film avec pas beaucoup d'action, pas beaucoup de suspense. Je trouvais sa relation avec la poupée qui était mystérieuse, tout ça... Puis ça, en plus, je me disais, OK, ça va être un film avec un gars qui a une drôle de relation avec une poupée, puis c'est tout. Fait qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore en train de me dire, get to the point. Je me disais, OK, on est là-dedans. Mais oui, en effet, après ça, c'est vrai que le film décolle. Tu sais, ça décolle vraiment rendu au chalet. C'est juste que avant, c'était correct. Je m'emmerdais pas, même si je ne savais pas exactement où est-ce qu'on s'en allait avec ce film-là. Parce que moi, j'imaginais qu'on s'en allait à lui qui rentre d'un studio de télé et plein d'affaires, tu sais. Ouais. Mais t'as tout à fait raison. Puis je pense que oui, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont avoir de la misère à embarquer dans les... C'est quoi? C'est peut-être les premières 30 minutes? Ouais. Ah ouais, 30-40 même. 30-40, je pense que c'est des discussions sur le show business qui m'intéressaient. Tu sais, je trouvais ça juste intéressant. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est ça. Son ascension, ses discussions avec son agent. Je sais pas, j'ai... C'est peut-être parce qu'on est tous les deux un peu là-dedans. Toi, tu l'es encore plus que moi, que moi, j'ai pas mal lâché tout ça. Mais c'est des trucs qui nous intéressent peut-être déjà à la base. Moi, j'écouterais du monde jaser avec les agents. C'est un film d'une heure et demie d'un gars qui jase avec son agent puis qui il parle d'un contrat. Puis en telle condition, il faudrait peut-être la changer. Oh, je vais appeler les producteurs. Là. Moi, je règle ça. Changer la condition du contrat. Moi, c'est ça, c'est que j'en règle de ça la semaine longue. Puis là, je suis en vacances. C'est <tôt. rire> Hey, ben sur ça, est-ce qu'on a autre chose à dire? Je pense que... Moi, j'avais une petite... Oui. Ben, je vais faire un peu comme je faisais avant, mais vite, vite, une petite trivia rapide. Là, on a parlé dans la section spoiler, on va en parler à la fin de l'épisode, ceux qui vont l'écouter, la section spoilers, que Jack Nicholson aurait dû jouer le rôle, était pressenti pour jouer le rôle d'Anthony Hopkins. Je voulais juste mentionner, ceux qui sont curieux de voir d'autres films avec... Jack Nicholson, puis les deux actrices à l'affiche de nos films ce soir. Jack Nicholson, en 70, a joué dans un film qui s'appelait Five Easy Pieces, 5 pièces faciles, avec Karen Black, qui est un excellent film. Et l'année suivante, il a joué dans Carnal Knowledge, en français, ce plaisir qu'on dit charnel, avec Anne-Margaret, un film de Mike Nichols, qui lui aussi est excellent. Et deux films donc que je vous conseille dans les... Jack Nicholson pré-Vol au-dessus d'une coucou et pré-Shining et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Et puis moi, honnêtement, Anne-Margaret, ok, je pensais pas l'avoir déjà vue ailleurs avant, jusqu'à ce que je regarde sa filmographie, puis je me rends compte qu'elle avait joué dans Grumpy Old Men. Oui, le 2. Les vieux grincheux. Le premier. La voisine. Le premier. En 93. Et à l'époque, ça voudrait dire qu'elle avait 52 ans. Mm-hmm. Et je me souviens que j'écoutais les vieux grincheux. Puis en 93, là, admettons que je l'écoutais en 95, ça veut dire que j'avais 13 ans, OK? Et j'ai regardé cette femme de 52 ans et j'étais comme, mais mon Dieu, qu'elle est belle! Ben oui. Tu sais, là, je pense que c'est la première, honnêtement, je pense que c'est la première femme, je vais utiliser le terme âgée, quand j'étais jeune, que j'ai trouvé foutrement belle, puis foutrement sexy, puis avoir du charisme. Puis là, c'est drôle, j'écoutais le film hier, puis j'étais comme, mon Dieu, qu'elle est belle! Et qu'elle est belle! Là, à la fin, je regarde ce film-là, je fais « C'est elle, la Moses! C'est elle qui m'avait séduit alors qu'elle en avait 52 que j'en avais 13! » Retourne dans le temps, tu vas voir Leaving Las Vegas avec Elvis, c'est encore plus cute. Ah oui. Ah, c'est ça. Ouais, toi, tu fais... C'était-tu dans un de vos épisodes que vous aviez fait? Non, mais on a fait un film d'Elvis, puis on se demandait, dans le bas de fer, on se demandait d'autres films d'Elvis qu'on avait vus. Moi, j'avais déjà vu... je l'ai écouté cette semaine-là pour le revoir, mais... pas Living Las Vegas, excuse. Viva Las Vegas, c'est pas la même chose. Oui, Living Las Vegas, c'est pas le même. Non, mais c'est Elizabeth Shue, puis elle est cute aussi. Oui. Mais non, Viva Las Vegas en 65. Elle a joué aussi, je pense, rapidement, là, dans Bye Bye Birdie, qui est un classique que j'ai jamais vu. C'est son premier gros rôle, Anne-Margaret. Puis Any Given Sunday. Puis Tommy en 75, qui est, moi, c'est là-dedans que je l'ai connu. C'est basé sur l'opéra rock du groupe The Who. Film de Ken Russell, a fait la mère géniale là-dedans aussi. En tout cas. Oh, cool. Ben, tu vois, alors une actrice à redécouvrir, parce que, ben, là, je sais pas, elle joue dans les Grincheux 2 aussi, mais non, elle est encore vivante. Oui, elle est toujours vivante. Ouais, 76 ans maintenant. Et, ben, je vais vous demander, ben, t'avais-tu d'autres trivia? Non, c'est bon, c'est beau. Jeff? C'est beau. Donc, ben, je vais y aller avec vos recommandations, Vicky. C'est sûr, je le réécouterai. La performance d'acteur est incroyable. Est-ce que je le prêterais? Non. Enfin, je ne sais pas si c'est un achat. Peut-être une location. OK. Est-ce que tu le passerais au resto? Admettons, admettons qu'on y va avec les deux films. Tu passerais-tu au resto ces deux films? Le premier, comme je te dis, mais moi j'ai une grande clientèle mobilisée. Puis je trouve que le premier, toute la première partie du premier a un discours fort. Alors, le premier. Peut-être le dernier segment du premier film également pour son aspect culte de la poupée. Mais le film de poupée Magic, je pense que je l'aurais peut-être dans ma bibliothèque en proposition au client, mais je le programmerais pas. OK. Jeff, recommandation? Oui, moi j'ai emprunté le DVD à ma bibliothèque que je montre ici au Patreon, ouais, dans la caméra. Puis je serais vraiment pas déçu de l'avoir dans ma collection, de l'acheter. Je le reverrai, puis je regarderai les bonus, puis tout. Puis j'ai vraiment envie de lire le livre. Je vais essayer de me pogner le livre à quelque part. J'ai déjà lu du William Goldman, puis il écrit très bien, puis je suis très curieux de lire le livre. C'est un achat. J'ai vraiment le goût de revoir ce film-là. Pour la performance, tout ça, la musique, tout. C'est vraiment... Puis je l'ai écouté avec ma blonde hier, parce que hier j'avais commencé dans l'après-midi, puis après 15 minutes, j'ai dit « Non, j'arrête ça. Je l'écoute avec ma blonde, je suis sûr qu'elle va aimer ça. » Puis dans ce temps-là, elle est tout le temps comme « Ah ouais, bon, tes films pour l'horreur gamer, ça me tente pas tout le temps. » Surtout quand je dis que c'est un vieux film de 78. Puis là... Il dit non, je pense qu'il va t'intéresser. Puis à la fin, je pense que pendant une demi-heure, on a jasé du film. On n'était pas capable d'aller se coucher. On jasait. On a trippé fort. Fait que c'est même le genre de film que moi, je le prêterais puis je le ferais écouter à des gens parce que j'ai vu l'expérience de le faire écouter à quelqu'un d'autre. Puis qui n'est pas une. Ma blonde n'est pas une quelqu'un qui est très, très consommatrice de ce genre de film-là. Puis elle a trippé à fond. Fait que je ne serais pas gêné. Alors, c'est sûr que ça devrait se retrouver dans ma collection bientôt. Sur ce, Vicky, on a un autre choix musical. Là, ça va peut-être être différent. C'est pas du Marilyn Manson, je pense, hein? Eh non! C'est parce que moi, j'ai juste lu pour voir le film Magic. Il faut trouver une tune avec ça. Puis j'avais Magic dans la tête. Ça va être ça. Puis là, ben, vous avez accepté. Fait que les pires, c'est vous autres, parce que vous acceptez mes folies. Logiquement, il faut m'arrêter à m'amener. Parce que vite, là, ça déborde. Mais je ne vais pas arrêter, fait que là, les auditeurs vont écouter Magic. Mais c'est quoi le vrai titre? Aucune idée. Moi, j'ai cherché Magic sur YouTube, puis ça a sorti. Magic in Me. C'est I've Got the Magic in Me de B.O.B. B.O.B. presents The Adventures of Bobby Ray. C'était ça le nom de l'album. En 2010. Alors, on écoute Magic. Et on se voit après pour la conclusion. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Everybody wants a blast of magic. Ooh, I got the magic in me. Keep it out, let tempo blow your mind. Pick a verse, any verse, I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer, how about you with the eyes? Come on down to the front, stand right here and don't be shy. I have you time traveling, have your mind babbling. People trying to inherit the skills, so they asking me. Even David Blaine had to go and take some classes in. I see mind freak like, what's up, man, what's happening? So come on, come on, and see the show tonight. Prepare to be astounded, no ghost or poltergeist. You know I'm no Pinocchio, I never told a lie. So call me Mr. Magic Man, I float on cloud nine. I got the magic in me. Touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. They be snapping, baby. Everybody wants a blast of magic. Magic. Magic. Oh. In my mind, you'll see why it's been in my rhyme. Stay on the road, so I call my mama when I got time. I hit the stage, go insane, and jump into that crowd. See when I rhyme, I flow when I beat like put it out. See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, flowing, stick it like adhesive. Be cautious, cause what I be gonna leave you with amnesia. I break all the rules like Evo Knievel. It's a spectacular show, cause my heart pumps diesel. So whatever you saying, it don't entertain my ego. I do this every day, hocus pocus is my stilo. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody Et après ce Magic, je sais même pas si ça sonne de même. On sait même pas de quoi ça a l'air, la toune. Peut-être qu'ils disent même pas Magic dans la toune. Vicky vous a peut-être trollé depuis le début. Mais peu importe. On est de retour pour la conclusion de cet épisode. Épisode vraiment craquant. J'ai goût de réécouter Magic là. Et je parle pas de la toune, je parle du film. Vicky, qu'est-ce qui se passe pour toi au resto? As-tu des soirées spéciales? Qu'est-ce qui se passe là, que les gens pourraient être intéressés d'aller voir? C'est la relâche. Oh, rien pendant la relâche? Non, au contraire, on est en train de s'orienter. Puis là, c'est ça, c'est un peu la folie, là, parce que là, j'ai un groupe de mamans qui ont embarqué à me demander comment ça marche, puis ils ont bien de la misère à comprendre. Je pense qu'on n'est comme pas habitué d'être tout permis. Moi, j'ai créé un restaurant en me disant « on va être tout permis ». Tu as le droit de faire pas mal ce que tu veux. Mais je pense qu'on n'est pas habitué d'aller dans les restaurants et avoir le droit de mettre la chaise où ce que tu vas en mettre. Ouais. Puis, bref, c'est la relâche, c'est vraiment orienter ses enfants. Puis là, ils sont comme moi, mais c'est quoi l'horaire? Le film est à quelle heure? Mais je mets pas d'heure. Arrive quand tu veux. Tu sais, il va y avoir quelque chose. Parce que si tu te dis à 10 heures, ben là, il faut t'habiller les enfants puis tu cours ça. Il faut être là à 10 heures, là. Le film est à 10 heures, là. Mais tu sais, si les derniers viennent de partir, puis le film joue encore, je vais te le recommencer, le film. T'sais. Fait que les gens sont pas habitués à cette latitude-là. Fait que ça va être une grosse relâche. Je pense que ça va être une très, très grosse relâche à faire découvrir la place à des nouvelles familles. Je pense que ça va être ça. C'est excellent, ça. Côté bras de fer des films, GF? Oui, la semaine prochaine, on fait un deuxième spécial western, parce que notre dernier, c'était Unforgiven, puis le film avec Paul Hogan, Lightning Jack. Mais le prochain, c'est les deux City Slickers. J'ai choisi ces films-là parce que le 2 jours, c'était la fête des deux membres d'Horror Gamer les plus sexy, c'est-à-dire toi puis moi. Mm-hmm. Ouais. Puis j'ai pogné 40 ans. J'ai pogné 40 ans. Puis j'ai... Comme je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que les deux City Slickers étaient sur le tournant de la quarantaine. Billy Crystal, son personnage, pogne la quarantaine. Puis... ce qui m'a donné l'envie de faire ça, c'est qu'il y a quelques semaines, Funny or Die, le site internet, ont fait une parodie de Westworld, la série télévisée, dans laquelle joue Anthony Hopkins, en passant, tout est relié. dans la parodie de Westworld, on a les personnages de Billy Crystal puis Daniel Stone, le personnage de City Slickers, qui arrivent dans le parc de Westworld, puis ce sont eux autres aussi des robots. C'est super drôle, le sketch. Fait que ça m'a donné le goût de revoir les City Slickers, puis en lisant là-dessus, j'ai fait « Ok, c'est sur le tournant de la quarantaine, moi je vais pogner la quarantaine, gnagnagna », fait qu'on va faire ça comme épisode la semaine prochaine. Ah, j'ai tout dit. Sur le bras de fer des films.com. Steven, il comprendra rien de tout ça. Non, c'est un petit quarantaine, film. Steven, voyons donc. Mais ça va le préparer. Peut-être dans 10 ans, il va se souvenir de tout ça. Mais... Puis comment est-ce que j'étais anxieux de tout ça, là, tu sais. C'est bon. Ouais. les amis, il va toujours de nos recommandations sur les films du même thème. Alors, je vais vous demander vos recommandations concernant les films de poupées, marionnettes ou quoi que ce soit. Vicky? Ouais, moi, je suis allée un peu dans quoi que ce soit, en fait, mais ça fonctionne dans les deux films. Je suis pas dans l'horreur, je suis dans le film de mal de vivre, dans le film d'angoisse, dans le suspense qui fait mal à l'âme. C'est La pianiste de Michael Haneke. C'est un film de 2001. C'est un étudiant, un sourdoué du piano, bref, un pianiste, mais qui tente de... d'être encore meilleur, de performer encore meilleur, et il veut s'acoquiner une professeure, un peu comme toi, tu avais l'actrice que tu disais, elle avait 50 ans, puis elle maquillait. C'est un peu la même chose, le jeune garçon dans la vingtaine, et il ne peut pas dire qu'il tombe en amour, mais il tombe obsédé par la prof de piano, qui, elle, est masochiste. Et qui vit avec sa mère et qui ne rêve que de se faire violer. Donc, ça crée un rapport étrange. Donc, je rejoins un peu le personnage du premier film, de la première trilogie. Je rejoins le malaise aussi, puis tous les jeux de rôle du deuxième film et un peu la schizophrénie du deuxième film. C'est du Michael Haneke, fait que puis je me rends compte que je l'ai pas vu. J'ai toujours vu ce film-là, c'est un de mes préférés. La pochette. J'ai toujours vu sa pochette et tout, mais je ne savais pas que c'était du Michael Haneke, alors je devrais écouter ça. Cette pochette-là est étrange parce que c'est une scène exacte du film. C'est un cliché vraiment pris dans le film. On dirait un film d'amour par cette pochette-là. Ouais. Je ne sais pas si c'est voulu pour que les gens pensent que ça va être l'histoire d'amour entre un jeune homme et une plus vieille, puis on va parler de cougar. C'est pas le cas du tout. Surtout qu'on regarde Isabelle Huppert, qui est peut-être en nomination, de ce que je comprends, est en nomination pour le film Elle, qui joue encore une femme un peu folle et avec une sexualité étrange et qui vit des moments. Fait que je pense qu'Isabelle Huppert est un peu castée dans ce genre de femme-là. Elle joue également Madame Bovary. Un de ses premiers grands rôles a été Madame Bovary. Donc, je pense qu'Isabelle Huppert, déjà en partant, elle est castée dans des rôles de folle, mais pas de folle à la hachette et pas de folle à tuer, mais des folles à la psychologie dérangée. Et la pianiste n'est pas ne déroge pas de ça. C'est quand même un 7.4 sur 10 sur IMDb. Alors, je ne sais pas pour les Metascore ou les autres, là, mais c'est un film à voir. Vraiment, moi, ça m'a assez traumatisé. C'est du Michael Haneke, c'est, on se trompe pas. Ouais, exactement. JF? Oui. Okay. Mon choix, c'est un vieux film. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne, mais là, je me suis dit, c'est le temps d'en parler. C'est vraiment la bonne occasion. Ça s'appelle In the Dead of the Night. Dead of Night, je m'excuse. Dead of Night. Parlé, ouais. 1945. En français, c'est Au cœur de la nuit. C'est un film british à sketch, un peu comme Trilogy of Terror, sauf qu'il y a 5 histoires plus une histoire qui les entoure. Et le dernier segment, c'est sur... en fait, ça l'a directement inspiré, Magic. C'est l'histoire d'un ventriloque, comme ça dit dans Wikipédia, ventriloque déséquilibré, joué par Michael Redgrave, qui croit que sa poupée dénuée de morale est réellement vivante. Puis c'est même écrit encore dans Wikipédia que ça a vraiment inspiré Magic de Richard Attenborough. Okay. Et c'est ça, c'est sorti en 1945, ça a été très très influent sur l'histoire, sur le monde de l'horreur, sur les affaires comme la quatrième dimension et trucs comme ça, c'est, tout le film à sketch au complet, là, ça a été, c'est quand même très connu dans le milieu de l'horreur, je pense, ce film-là, puis le dernier segment a beaucoup traumatisé de gens, d'après ce que j'ai pu lire sur Internet aussi, parce que la poupée est assez angoissante, fait que... Je l'ai déjà vu. La pochette était écœurante. Je l'ai vu il y a très très longtemps, mais j'en garde des très bons souvenirs, puis je vais le revoir bientôt. Là. Après avoir vu Magic, ça m'a donné le goût de le revoir. Fait que, ben écoutez, moi je... H.G. Wells. L'histoire de H.G. Wells aussi. Oui. Bref. On est un peu cliché, toi, pour moi. Jeff, toi, tu y vas avec un vieux film. Moi, j'y vais avec un film à Oscar. On est un peu... on est cliché, là, toi, pour moi. Ben écoutez, moi, je vais être... cliché de toi, toi-même? Je vais être un cliché d'horreur gamer. Non, honnêtement, j'étais totalement en manque d'inspiration. Fait que je vais juste faire de l'auto-pub. Je vous dirais, allez écouter notre épisode 62 où on parle de Dead Silence. Ça reste que moi, la poupée ventriloque qui me fait le plus freaker, c'est dans Dead Silence avec ce ventriloque qui était freak. Mais Magic est en train de le surpasser. Mais sinon, c'est ça. J'ai peut-être été pris de court là, dans ma suggestion. J'ai pas été loin dans ma réflexion. Alors voilà. Je suis allé avec un cliché, mais bon, c'est pour mieux plugger nos anciens épisodes. Alors voilà. Je me le pardonne comme ça. Je me suis peut-être pas forcé comme recommandation pour cette fois-ci, mais je vous jure, pour le prochain épisode, je vais me forcer. Et le prochain épisode, justement, JF, c'est toi qui as proposé l'idée pour l'épisode 80. Alors, je te laisse nous l'expliquer. Oui. Une thématique, c'est vraiment songé. Encore une fois, t'es allé fouiller loin. Et on te laisse nous expliquer ça. Ben, tout le monde connaît Ryan Murphy, qui a créé American Horror Story, puis American Crime Story, aussi la série anthologie où que la première saison parlait d'O.J. Simpson, tout ça. Fait que là, le 5 mars prochain, une nouvelle mini-série qui commence, c'est Feud, genre comme conflit en français, je pense. Puis c'est sur des conflits célèbres. Et donc, la première saison, ça va être sur Bette Davis puis Joan Crawford, deux vieilles actrices dans les années 60 qui étaient vraiment en gros conflit ensemble, puis qui ont joué dans le film Whatever Happened to Baby Jane, un film du réalisateur Robert Aldrich en 62. Puis la série télévisée va raconter l'histoire du tournage et de leur conflit, tout ça. Puis le même réalisateur, 2 ans plus tard, a fait un film encore avec Bette Davis qui s'appelait Hush Hush Sweet Charlotte. Puis donc c'est ça. Puis j'ai lu une critique de Feud des premiers épisodes qui disait que ça serait bien d'avoir vu au moins Whatever Happened to Baby Jane avant de voir la série. Puis je me suis dit, ben regarde, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable puis faire un épisode d'Horror Gamer avec ces deux films-là. En même temps, à peu près, t'sais, une semaine à peu près après le début de la série ou quelque chose comme ça, on va... Je vais sûrement parler du premier épisode là, dans notre épisode de Rogue Gamer. Fait que tout combiner ça ensemble, je pense que ça va être intéressant. Cool. Ça prenait juste JF pour nous faire écouter deux films pour être à la page. Ben, merci JF. De rien. Ouais, ben, merci. Mais non, c'est y en a un, là, le premier, Whatever Happened to Baby Jane, je pense qu'il est dans les mains d'un film à voir ou à revoir. Ouais, je pense que ouais, sûrement. Je l'ai vu souvent dans des listes. Je sais que Sylvain Desmartis ouais. m'a souvent dit. Il trouve ça très surprenant que je ne l'ai pas encore vu. Bon, ben, Sylvain, hein? On remédie la situation. Gratte-toi, c'est pas toi, Sylvain, t'as pas besoin de te gratter les fesses. Puis sinon, ben, on a nos patrons, nos boss qui nous écoutaient live ce soir. Et on les remercie d'avoir passé, faire un tour, d'avoir jasé un peu avec nous autres entre les segments. Si vous autres aussi, vous voulez en faire partie de ceux qui peuvent jaser avec nous pendant les enregistrements, allez sur notre page patreon.com/horrorgamer. Il y a toujours moyen d'être un de nos boss. Mine de rien, il nous manque un boss et on en aura 10. Et on est à 21$ sur 25 pour avoir notre nouveau step d'atteint qui est de faire des concours plus souvent pour nos Patreons. Donc, ça vaut la peine. Et ben, il y a des Patreons qui payent pour avoir des charlottes. Et là, maintenant, non, notre ami Tommy n'est plus seul. On a maintenant un shout-out pour Marc-André. Oh. Hey! Ouais! What up, Marc-André? Merci, Marc-André. Merci, merci à vous deux. Merci, Tommy. Yes. Non, c'est très, très cool, vraiment. Merci beaucoup de tout le monde de nous encourager. C'est génial. Vous savez pas à quel point que ça nous permet de pas tout sortir de nos poches à chaque fois qu'il faut dépenser un petit quelque chose pour le podcast. Sur ce... Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Je pense que c'est pas mal la fin. Oui. Ouais, Vicky? Ouais, ça fait le tour. Ouais, on fait le tour, là. Je pense qu'on n'a plus rien à dire. Au pire, si tu veux qu'encore nous écouter dire de quoi, écoute nos autres épisodes ou recommande celui-là à zéro. Ou écoute la session spoilers pour le film Magic direct après la toune de Rob Zombie. Mais hey, sur ça, je sais pas pourquoi tout d'un coup je suis le père en tout cas, je perds mes noms. Alors je vais juste me taire. Et vous dire, hey GF, bye bye. Bye bye. Bye. Vicky, bye. Bye bye. Bye. Tout le monde qui nous écoute, bye bye. Sur le chat, tout le monde, bye bye. Et n'oubliez pas de garder ça horreur. Bon, ben, on est dans la section spoilers pour le film Magic parce que, évidemment, on a le goût d'en jaser plus en profondeur, mais il y a beaucoup de choses à se dire qui concernent des revirements ou en tout cas des interprétations du film qui pourraient gâcher le premier visionnement de quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Tout d'abord, toute l'idée de. Est-ce que cette poupée-là est démoniaque ou pas? Vous, est-ce que c'était clair depuis le début? Moi, dans ma tête, elle l'est pas. Ben non, non, elle l'est pas. Dire, mais est-ce que pendant que vous écoutiez le film, vous étiez dans le doute sur la... Moi, j'avais un doute. Non. On introduit le gars comme un mythomane. On introduit le gars comme quelqu'un qui s'est créé des fantaisies. La pression que t'as de ce gars-là, c'est que c'est un gars qui se crée des fantaisies. Ouais. À partir de là, moi, je savais que ça n'était pas. J'en regarde le film tantôt, mais j'ai fallu que je recule parce qu'il y a un. En fait, c'est pour. J'en regarde le film quand il tue Dick. Duke. Au couteau. Ouais. Là, j'étais là, mais voyons, c'est la petite main, puis c'est la chemise. Ouais. Là, c'est là que j'ai fait. Ah, yon. Ah. Puis là, après ça aussi, tu fais un insert sur le visage qui, durant cette scène-là, qui se modifie. Puis je fais, hein, la bouche, je comprends. Et là, après, il sort dans l'arrière du rideau. Je fais, OK, OK, c'est vrai, elle n'est pas démoniaque du tout. Ce segment-là est vraiment fait pour ça. Il est vraiment pour nous surprendre puis qu'on fasse comme, ben voyons donc. Jamais j'aurais pensé qu'elle était vivante pour vrai. Tu penses que tu as un revirement de situation en plein milieu. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pour nous montrer à quel point que. Il est mindé ouais. de sa poupée, celle qui le dirige, au point qu'il va faire en ouais. sorte que c'est elle qui le tue. Je trouve ça génial, tu sais. Ouais. Parce que, puis le film, il gosse pas longtemps, là. Il te laisse en suspens 5 secondes. 5 secondes, puis t'as eu ta réponse, tu sais. Ouais. Puis t'as 5 secondes où t'es comme, what? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, ouais. OK. C'est, puis j'ai trouvé ça parfait. Je voulais pas que le film gosse plus longtemps que ça sur es-tu vrai, es-tu pas vrai, es-tu vivante ou pas. Mais il réussit tellement à me la faire vivre comme il faut, cette poupée-là. Quand je dis que j'avais une personnalité, là, c'est un personnage, là, tu sais. Oh oui. Quand je dis que j'avais des doutes, je peux clarifier en disant que tout le long du film, je me doutais que c'était pas une poupée maléfique, mais je checkais quand même tout le temps ses yeux et ses réactions à tout bout de champ. Quand elle est dans la fenêtre et qu'elle regarde aller dans le lac, j'étais comme, il va-tu bouger des yeux? Il va-tu faire quelque chose? As-tu changé de place? Va-tu disparaître? Quand ils sont en train d'avoir du sexe, comme, il va-tu bouger? À chaque fois, j'étais comme... Mais je trouvais ça le fun parce que moi aussi, j'étais exactement dans ce mood-là. Fait que ça me crée un genre de tension en plus. Quand genre... il a bougé, il a tué Dio, que j'étais comme... Non, je veux pas finalement, je veux pas qu'elle bouge. Puis après ça, comme tu dis, ça a duré 5 secondes. Ah, oh, phew, ok. Elle est pas dans Chucky, là. C'est pas ça que je veux. Là. Non, c'est ça. Je veux que ça reste un film d'adulte sur la psychologie. Je veux que ça reste un film, c'est ça, sur la maladie mentale. T'sais. Puis là, ça aurait été de me prendre pour un imbécile parce que ça aurait voulu dire que jamais la poupée parle puis elle bouge. Jamais la poupée bouge à part à ce bout-là. J'avais qu'en fait. Ah, c'est non, ça, tu sais. Non, ça sinon, c'est assez clair parce que elle bouge jamais quand lui il est pas là. T'sais. Ouais. Non, c'est ça. Mais parce qu'on finit tellement par y croire à ce personnage-là. Tous les dialogues qu'il y a avec lui, là, il est tout seul là, dans le chalet avec sa poupée-là. Il a juste ses mains. Quand il fait juste la cire à côté de lui, des fois, il fait cligner des yeux, il fait bouger les yeux. Elle fait juste cligner des yeux tout le temps. Tout le temps. Comme un humain normal, je trouvais ça malade. Elle était toujours en train. C'est ce qu'on nous a appris. On a eu des cours de marionnettes en théâtre. Puis. Faut que tu fasses respirer ta marionnette. Si tu veux qu'elle, même quand t'as fait rien, tu fais bouger le ventre, tu fais bouger le chest un peu pour que t'aies l'impression qu'elle respire tout le temps. Fait que c'est ça le truc. T'sais. Une marionnette qui ne fait pas d'action, tu sais que c'est. Faut quand même qu'elle reste vivante. C'est ça. Le bras va bouger un petit peu, tout ça. Puis ça, c'était parfait dans ce film-là pour ça. Oui. Tu vois qu'ils ont fait attention aux détails. Moi, j'ai vraiment aimé ça. La réalisation, tout. J'ai vraiment tout aimé. Mm-hmm. Richard Attenborough était vraiment... Il n'était pas encore fait ses grands films, là, comme tu disais, Chaplin, il a fait aussi Gandhi, il a fait Cry for Gandhi, Freedom, une sorte de film, mais il était déjà maître là, de son film. Là. Je sentais qu'il y avait une réflexion. Oui, mais sans cet acteur-là, il n'aurait pas été autant maître. La scène où la poupée fait à croire qu'elle est vraie, puis qu'elle contrôle son maître... Puis là, elle dit assis-toi, va chercher un couteau, bouge, cligne des yeux, touche le plafond, marche comme un petit chien. Mais cette scène-là n'est pas possible avec un autre acteur ou presque. Elle peut vraiment rapidement virer grotesque. Ah, oui. C'était malade parce que cette scène-là, t'as tout à fait raison, Vicky. Cette scène-là, elle est casse-gueule. Elle est crissement casse-gueule. Et Anthony Hopkins l'a maîtrisé à fond. Tu le vois là, dans sa face, un genre de. Il est désemparé. Il n'y a plus le contrôle, il n'est plus pantoute. C'était vraiment débile cette scène-là. Il y a toujours. J'avais peur qu'elle vire ridicule cette scène-là. Là. Il y a plein de scènes où il y a tout le temps plein d'émotions qui passent dans le visage. Tu es capable de toutes les lire, ces émotions. Ouais. Dans Chaloupe, j'ai vraiment adoré ça, cette scène-là. Tout ce qui passe par. Il est vraiment bon, ce gars-là. Je l'adore. Ouais. Puis c'est le fun parce que, tu sais, de nos jours, on est habitué de voir Anthony Hopkins dans un casting de gars rough, tu sais, là. Mm-hmm. D'un gars sage qui a un peu d'agressivité dans lui, tout ça, tu sais, depuis Hannibal, depuis Science of Destruction. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il dégage ça, tu sais. Puis ça l'a comme suivi dans sa carrière, puis nous autres, ben, à l'âge qu'on a, c'est un peu cet Anthony Hopkins-là qu'on connaît, tu sais. Puis là, c'était le fun de le voir dans un casting qui était autre, tu sais. Même là, quand même. tu sais, dans la scène des cartes pis tout ça, il montre ce qu'il est capable de faire. Puis clairement, ce film-là amène à Silence of the Lambs, tu sais. Ouais. Il n'y aurait pas eu Silence of the Lambs s'il n'y avait pas eu Magic, je crois. Parce que dans Magic, il montre à quel point qu'il est capable de jouer la folie, mais une folie bien jouée, maîtrisée, tu sais. L'année suivante, il a fait Audrey Rose, qui est super bon aussi, de Robert Wise. Il est très, très bon là-dedans aussi. Mais c'est vrai que son personnage était désemparé, un peu... Dès le début, j'ai adoré le voir dans la salle de spectacle, quand il est tout en sueur puis il essaie d'avoir l'attention du monde. J'adorais son jeu déjà là. Après 5 ouais. minutes, là, j'étais déjà accro là, à le regarder faire. Là. Ce que je parlais tantôt par rapport au personnage de Anne-Margaret, Peggy Ann Snow, c'est ouais. On dirait qu'elle a pas de... En dedans d'elle, elle a rien, tu sais. Elle est vraiment soumise, tu sais. Je veux dire, ce gars-là qui ressort de son passé. Ouais. Oui, je peux comprendre qu'elle a peut-être encore des sentiments pour lui, puis qu'elle a jamais, elle aussi, toujours gardé. Elle aussi a toujours gardé ça secret. Mais dès la scène des cartes, tu le sens qu'elle est comme, elle a peur de lui, mais elle est quand même capable après ça d'aller coucher avec, puis de dire oui, je me sauverai avec toi, tu sais. Tu vois qu'elle a le pattern de la. Ah, mais ils ont tous ensemble. Ah, oui. Moi, je vais les demander. Parce que quand encore Dio qui dit, puis elle demande, mais j'aurais voulu, je sais pas qu'est-ce qui est plus dur, hein? Non, j'aurais voulu, puis oui, on l'a fait, puis Chris m'a fait. Ah, ben, ouais, mais non, ben, je pense qu'elle voulait, elle avait peur de ce que Dio était capable de faire, tu sais. Parce parce que, tu sais, pour regarder le montage d'introduction de la scène de Stex, hein, c'est un ellipse. Il s'approche et. Pendant qu'il s'approche, il se déshabille dans le montage. Comment quand il a dit à l'autre, non, mais j'aurais voulu, j'ai fait. C'est une scène imaginée, d'abord. Non, mais il parle de ses seins une couple de fois. Il dit qu'elle a des super de beaux seins et tout ça. Ok. Ouais, non. J'y ai cru aussi à la scène de sexe. Je me suis même pas posé la question. Là. Mais moi, comme je trouvais que le montage m'a dérangé. Le montage d'introduction de cette scène-là m'a vraiment dérangé. Ok. Je voudrais que je la revoie. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette scène-là, honnêtement, c'est que je trouvais que les deux acteurs n'avaient pas de l'air à l'aise. Ouais, il y a ça. Ils s'embrassaient, puis j'étais comme, hey, mon Dieu. Il y en a un des deux qui embrasse mal. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais je pense qu'elle est peut-être juste restée. Elle n'a pas évolué depuis qu'elle est sortie de l'école, peut-être. Elle est restée intéressée par ce gars-là, puis elle n'a jamais vraiment été amoureuse de son mari, peut-être. Puis elle est juste restée au niveau adolescente un peu, puis qu'elle ne s'est pas réalisée. Elle n'a pas eu la vie qu'elle espère qu'elle aurait eue si elle avait sorti, mettons, avec Corky à l'époque. Elle regrette tout le temps, elle dit tout le temps pourquoi t'étais pas de même quand t'étais jeune? Pourquoi t'étais pas aussi peu gêné que ça quand t'étais plus jeune? T'sais, comme pour dire. On aurait pu avoir une belle vie ensemble, tu sais. J'aurais pu avoir une meilleure vie que ça avec toi, tu sais. Puis le fait de s'en aller avec lui, c'était d'essayer de rattraper ce temps-là, peu importe le genre de gars qui présentait. Peu importe la façon dont il se présentait devant elle, avec ce moment d'intensité agressive. Ce que je me dis, il y a des femmes qui sortent avec des bad boys, qui sortent avec des batteurs de femmes, puis qui vont continuer à sortir avec eux autres en disant « je peux peut-être le changer ». Je veux pas faire une généralisation, mais il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent changer d'autres personnes ou qui espèrent peut-être pouvoir peut-être qu'à l'époque, ce genre de cliché de personnages féminins était plus courant, je sais pas, tu sais, ou c'était plus... C'est comme plus normal qu'une femme ait un mari tough, je sais pas, là. Mais c'est en tout cas, ça m'a tilté, ouais. Mais c'était rien que... J'étais pas en train d'écouter le film en train de soupirer ou quoi que ce soit, hein. Tu sais, j'étais comme... Je l'aurais aimé mieux que ça. Surtout avec son revirement de décision à la fin, avec juste à cause du cœur en bois. C'est ça qui vous a dérangé, c'est le cœur en bas. Non, oui, puis tout son dialogue. Moi, j'aurais arrêté le film dès qu'on sort de la fenêtre. Je vais rester dans les salles. Tout le monde de la fenêtre, ça. Je trouvais qu'on n'avait pas besoin d'aller plus loin. Non. Puis cette scène-là faisait un genre de pouet-pouet. Oui. C'est comme. Non. Trop tard. Puis le dernier plan, le cœur qui vole dans les airs, mais tu sais, sa voix. Je comme, pourquoi tout à coup elle a une voix de ventriloque, là? C'est quoi le. Je comprenais plus, j'étais comme fuck you. Ouais, okay. J'étais frustré un peu. Non, c'est vrai que le film aurait dû finir quand que. Tu sais, on s'entend que c'est une scène de production, on dirait, là. C'est une scène de producteur et non de réalisateur, là. Tu sais, la scène est censée. Le film est censé finir avec un zoom out du manoir, du chalet, puis ouais, mais non, elle, qu'est-ce qui arrive avec elle? Bon, on s'en fout. Ouais, mais non, faut que ça fasse. Tu sais, on a l'impression que c'est quelque chose de surnaturel en disant, elle a une voix de ventriloque à la fin, c'est comme. Non, t'as peu, ça marche pas. J'ai pas remarqué ça. Moi, ça voix, c'était juste genre, avait l'air d'avoir une voix pour être funny. J'ai checké sur Google la finale, puis d'autres le disent aussi, elle a une voix de ventriloque à la fin, puis c'est comme. Okay, oui, elle a une voix de ventriloque, je pensais que c'était j'ai ça qui me dérangeait. Oui, ça me dérange. Ah oui, j'ai pas remarqué qu'elle avait une voix de ventriloque. Moi, je crois que c'est l'ultime acceptation. C'est genre, je parle comme toi, je vais être comme toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Je vais partager ta folie, tu sais. Ouais, mais pas. Elle ne trouve pas fou comme nous, on le voit fou, là. Mais genre, je pars avec toi. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Ah, ok, moi, je comprends. Mais c'est ça, ça reste que c'était un faux punch qui n'avait pas sa raison d'être, tu sais. Puis je trouvais que justement, elle avait. C'était le fun de l'avoir, de dire je pars pas d'ici tant que j'ai pas parlé à Joe. Ouais. Puis tu sais, comme oh shit. Oui, ça. Je trouvais ça plus efficace, ça. Tu sais, je trouvais ça tellement le fun qu'elle tienne son bout, tu sais. Puis mais toute cette dernière scène-là, par exemple, puisqu'il parle en arrière de la porte, puis il parle en tant que Fats, puis tu fais ah non, j'ai pas la poupée qui est là. C'était génial, ça là. Ah, oui. Il a pas la poupée avec lui, mais il prend la voix de la poupée, tu sais. Il est hyper manipulateur à ce moment-là. Là. C'est comme c'est malsain. Puis j'ai aimé, là. Puis encore une fois, le film te niaise pas longtemps avec ça. Mais tout de suite après, il drop le couteau a du sang. Puis là, tu fais comme Caroline, il l'a tué, bâtard. Ah, oui. Mais là, tu la regardes, tu fais comme non, il a la main sur le ventre. Il a la main sur le ventre. Ça... Non, je pense qu'il l'a pas tué. Ça, j'ai trouvé ça le fun aussi, tu sais. Puis. Justement, là, tu sais, que ça aille pas jusqu'au bout de je suis un meurtrier sanguinaire et je vais tuer la fille que j'aime. Non, tu sais. Puis j'ai vraiment le dialogue entre les deux. Ah, c'est ça que j'allais dire. J'étais quasiment touché par ça. Tu sais, quand il dit il n'y a pas de nous. Nous, c'était toi tout seul. Puis il n'y a pas une petite voix pour dire ça. Puis tu sais que c'est Anthony Hopkins en train de mourir et qu'il se parle à lui-même. Puis c'est comme. Oui. Ah, c'est que c'est fou. Il est en train de se faire la morale à lui. Pas de se faire la morale, mais de s'expliquer à lui comment ça se passe. Puis, parce qu'il sait, dans sa tête, il sait, mais il est pas capable de l'exprimer autrement que comme ça. Tu sais, c'est... La poupée qui dit j'espère que c'est pas moi qui vais mourir en premier. Puis t'es comme c'est bien fou comme dialogue. C'était génial. C'était puis ça aussi, c'était hyper casse-gueule comme scène. Là. Ça aurait vraiment pu avoir de la poche. Ouais. Mais non, c'était vraiment bien amené. Non, c'est... Il y avait plein de scènes comme ça que j'étais comme pas tout le monde qui aurait mené ça à bien là. Non. Puis je voyais le casting qui était supposé d'être, si ça n'avait pas été Anthony Hopkins, il y avait eu deux autres choix. Il y avait Gene Wilder. Ouf. Sauf que les producteurs ne voulaient pas. Richard Attenborough puis l'auteur voulait Gene Wilder, mais les producteurs ont dit non parce que Gene Wilder c'est un comique. Oui. Puis c'est ça qui va ressortir. On veut un acteur dramatique. Je veux dire, oui, il était capable. Je pense qu'il aurait été capable de faire du drame. Mais, je sais pas, ça aurait été casse-gueule aussi, ça. Mais c'est pas juste du drame. C'est pas juste du drame qui nous sert, Anthony Hopkins. C'est pas juste du drame. Non, c'est ça. Mais... C'est de la gloire, c'est de la paranoïa. C'est de push dans son jeu, là. Ah, écoute, il offre tout. Tout ce qu'il est capable de donner dans ce film-là, il le donne, tu sais. Puis l'autre, c'était Jack Nicholson. No. Et Jack Nicholson avait refusé parce qu'il voulait pas mettre de perruque. Mais je l'imaginais, Jack Nicholson. Quand le film a commencé, pendant un bout, j'ai essayé de l'écouter sur YouTube, puis la vidéo est vraiment crappy dégueu sur YouTube. Mm-hmm. Quand j'ai commencé sur YouTube, je pensais, j'ai lu Anthony Hopkins, mais j'avais vu. On aurait dit Jack Nicholson. Je trouvais que ces deux-là peuvent vraiment se mêler dans ce rôle-là. Oui, je pense que c'est les deux qui étaient bons. Sauf que ça, je trouve que Anthony Hopkins, même dans les grandes folies, il joue plus en réserve. Il est beaucoup plus. Oui. Il est plus atténué. Tu sais, Jack Nicholson, je sais pas, là, mais quand il joue la folie, il a tendance de la lever trop d'une coche. Là. Tu sais, la scène, justement, de la poupée le maîtrise, puis tout ça, j'ai l'impression que Jack Nicholson, il l'aurait pas eu. Il l'aurait trop surjoué, puis ça aurait cassé la scène. Ouais, puis tu sais, faut quand même avoir le talent d'apprendre le ventriloquisme et tout ça, puis la magie, la prestidigitation. Pas juste la manipulation des cartes, tout ça. C'est pas tout le monde Jack Nicholson, tu sais, est capable de s'appliquer puis tout, mais je peux pas supposer s'il était capable ou il aurait été capable ou pas, mais tu sais, c'est quand même un talent à développer, là, tout ça, puis il était vraiment génial là-dedans, là, Anthony Hopkins. Puis moi, la scène des 5 minutes avec le Burgess Meredith, moi, je l'ai adoré, je l'ai mentionné brièvement tantôt, mais ça, j'ai adoré ça. Je chantais qu'il allait... C'est comme un presto, je trouve, il allait exploser, là. C'était comme tu le sentais de plus en plus. C'est comme, ah non, il va exploser, il t'offre pas, c'est clair, là. C'est clair, là. Ça fait combien de temps? Ça fait 30 secondes. Combien de temps, là? Une minute. Ah, c'est génial, parce qu'en plus, il dit, je vais te demander une seule chose. Si tu es capable de le faire, je te laisse tranquille. Puis t'es comme, qu'est-ce qu'il va lui demander, esti? Ah ouais, je l'avais pas vu. Non, mais moi, je pensais que c'était genre débarrasser de la marionnette ou je sais pas trop quoi. Ou peu importe, tu sais, je savais pas quoi faire, je savais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il allait y demander, puis là, la 5 minutes, j'ai fait, ah, c'est génial. Puis quand il apprend, il a fait parler, il te lâche un diable. C'est comme s'il rattrapait 2 minutes et demie de silence. Oui, de 2 minutes et demie de texte. Ben, moi, je pensais qu'il allait dire, va l'amener dans la chambre. Moi, c'était quelque chose du genre que j'aurais imaginé, ouais. Fais juste la déposer en arrière de toi, en arrière du divan, peu importe. Là, ouais, mets-la dans sa boîte. Tu sais, quelque chose comme ça. Ouais, mets-la dans sa boîte. Ou laisse-moi partir avec. Ouais. Tu sais, laisse-moi l'emmener au studio. Quelque chose comme ça. Ouais. Là, mais je trouve que ça, c'est encore bien plus efficace parce que ça crée une scène de tension sur on parlera pas pendant 5 minutes. C'est vraiment ça. Ouais. Je veux juste regarder, on va fumer notre cigare. Rien d'autre chose à te dire à part attendre. Ouais. C'était génial. Je vais sur un autre. Tu voulais-tu rajouter quelque chose, Vicky, là-dessus? J'allais dire, c'est là qu'on voit la dépendance à la poupée, c'est au-delà d'un amusement ou une barrière ou une cachette. Ouais. C'est ça, c'est comme une drogue, mais ça le complète. Ouais. Fait que lui, sans la poupée, il se trouve pas pertinent. Il ne peut pas signer un contrat avec son agent sans la poupée. Au début du film, c'est pour ça que ça marchait pas, son affaire, il était pas complet. Il y avait une partie de sa personnalité qui était poignante dans elle. Il y a une partie de sa personnalité qui était poignante dans lui, je veux dire, tu sais. Puis justement, ça l'a comme libéré, cette affaire-là. Puis tu sais, tu disais, Vicky, dans l'intro, on voit qu'il est capable de mentir à des gens, mais on voit aussi qu'il est capable de burster. Tu sais, on voit qu'il est capable d'avoir une colère qui est enfouie, puis qu'il est capable de la faire sortir d'une seule chose. Ouais. Devant le public. Fait que tu sais, cette intro-là, pendant un petit bout, je me disais, à quoi qu'elle a servi? Tu sais, le film aurait pu... À un moment donné, je me suis dit, le film aurait pu commencer avec lui, puis la barnette, puis tout ça. Puis non, à la fin, tu fais comme, non, cette intro-là était totalement nécessaire pour mettre les cartes sur quel genre de gars il est quand il n'y a pas la poupée. Oui. Parce qu'après ça, quand tu le vois avec la poupée, puis tout ça, tu fais, oh non, c'est pas le même gars qu'on a vu avant. Là. J'ai trouvé ça le fun que le film... perd pas son temps avec des scènes où puis il fasse des grandes ellipses dans le temps. Dans le sens que si ça continue comme ça, man, on s'en va à la TV. Prochaine fois que je t'invite ici, prochaine fois que je t'invite à New York de resto, ça veut dire que t'es prêt à signer un studio de télé. Cut! Ouais. Anthony Hopkins qui s'en va à New York d'un resto. Et tu fais comme OK. Là, tu sais, il avait dit, genre, tu iras te faire la main à telle place, à Carlson. Ouais. Puis après ça, il parle pas de Carlson, mais après ça, quand il s'en va dans le taxi, le gars du taxi, il parle de Carlson. Fait que tu fais comme, OK, tout ça s'est passé. Le film aurait pu prendre un 10-15 minutes à nous montrer son ascension et tout ça. Ben, le début, mais non, c'est quand, pas ça. Quand son mentor lui dit, trouve-toi un charme, il est devant la fenêtre, il regarde dehors, puis on cote tout de suite à une file de gens sur le bord d'un théâtre, c'est marqué 28e semaine, on voit sa face sur un poster, tu sais, ça fait 28 semaines qu'il est là. Ouais, tout de suite, tu fais comme, OK, il a trouvé quelque chose, bang, la poupée, merci, bonsoir. Le film ne perd pas son temps avec des niaiseries, il saute aux scènes essentielles, puis j'ai trouvé ça le fun pour ça. Le film m'a donné beaucoup, beaucoup le goût de lire le roman. Je serais curieux de voir si le roman est à la première personne, si c'est les pensées de Corky ou les pensées de Fats ou comment c'est organisé la narration, je serais très intéressé. Ouais. Ou même juste, même si c'est à la troisième personne, de lire l'histoire au complet écrite par William Goldman, puis s'il y a la finale comme dans le film ou des trucs comme ça. Détail, je voulais aller sur un petit détail de rien. Hey, juste avant, on est-tu encore dans les spoilers ou on peut revenir dans une section normale? Moi, ça rentrait dans les spoilers un peu, mon petit détail okay. que je veux rajouter. Ben c'est ça, il y a la Rolls-Royce qui traîne au bord du lac, tout ça. Oui. Puis on peut s'imaginer que dans la vie de Duke puis de Peggy Ann, il n'y a pas eu de personne qui est morte autour du lac. Ils n'ont jamais vu ça, tu sais. Fait que là, tu as la Rolls-Royce. Lui, il lui dit « Ah, c'est la Rolls-Royce de mon agent, tout ça. » Puis c'est un vieux monsieur. Puis une année plus tard, ils vont découvrir le corps du vieux. Puis chose, il va dire « Ah non, c'est pas lui, ça va être quelqu'un d'autre. » Mais il y a combien de vieux qui peuvent mourir autour de ce lac-là, qui peuvent se perdre, tu sais. T'en cherches un. Ça fait des jours que tu dis, OK, il est disparu, on cherche un vieux qui a laissé sa Rolls-Royce là, puis tu trouves le corps d'un vieux. Un plus un, ça fait deux. Mais en même temps, Duke le croit pas. Ouais, mais en tout cas, je sais pas à quel point il croit. Rapidement, Duke. Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que t'as raison qu'il le croit pas tout de suite. Mais... Ouais. T'as raison. Tu vois, c'est un gros détail. La scène, la première scène entre lui puis Duke puis Peggy Ann Snow dans la cuisine, je pensais que ça allait être une scène autre que ça, tu sais, avec un genre d'interrogatoire ou quoi que ce soit. Mais non, il sort Fats, son charme opère, puis comment il s'appelle, Duke. Ah, je l'aime bien, il est correct. Tu sais, je le trosse pas encore quand même, mais c'est correct. Tu sais, je suis prêt à y casser la gueule, mais là, je peux lui donner une chance, tu sais. Puis non, c'est. Puis c'est la petite scène de. Elle m'a dit que vous aviez couché ensemble. L'autre fait comme. Ouais. Elle essaie de te faire. T'essaies de me faire dire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puis là, j'étais comme. Oh! Tu l'as bien rattrapé, man. C'est plus une façon de dire. Non, je sais qu'elle n'aura pas parlé. Il faisait tellement confiance à la fille qu'il savait que Duke essayait de l'amener en disant une marde. Tu sais, comme tu pourrais dire à quelqu'un. Là, ouais, je sais, telle affaire, en espérant que. Ma blonde est allée à quelque part un soir, mais je pense bien qu'elle est allée au bar, mais qu'elle me l'a pas dit. Puis là, je fais « Ouais, tes amis m'ont dit que vous étiez allé au bar hier. »« Ah, comment ça? Ils te l'ont dit. » C'est une affaire de même. Ouais. Ma blonde va jamais au bar. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'elle est dans le bar. En tout cas, mais bon. Mais non, c'est ça va pas, c'est cool, cette scène. Ah, c'est ah, finalement, il va tout le temps. Mais non, c'est cool. Toutes ces petites scènes-là, c'est ça en plus. C'était juste une scène de les deux gars sur le bateau, mais. Ah, c'était plein de tension. Il y avait plein de tension parce que tout le long, tu dis, ouais, Duke peut être dangereux, mais en même temps, tu fais comme, ouais, c'est pas Duke le vrai danger dans ce bateau-là. Non, c'est ça, non. Puis c'est le fun que on a de l'empathie quand même pour Corky jusqu'à la fin. Oui. Ah, ben oui. C'est ça qui est le fun, parce que, tu sais, malgré tout, le film réussit à nous le faire aimer. Ben, c'est une victime de son état mental qui n'est pas traité, qui n'est pas. Ouais, qui n'est même pas diagnostiqué. Non, le pire, c'est qu'il sait. Mais il sait, tu sais. Au fond de lui, il sait qu'il est malade. C'est ça qui est fou. Ouais. Puis, tu sais, on peut comprendre qu'il a peut-être été voir des médecins quand il était jeune, ça veut dire peut-être des années 50, tout ça, puis ils ont dit un esti de fou, quelque chose de grand. Ils n'ont pas essayé de. C'était pas comme de nos jours où ils l'avaient mieux diagnostiqué ou mieux traité, tu sais. Ou il a peut-être juste été très intimidé quand il était jeune à l'école, des trucs comme ça, puis il veut pas aller voir un médecin, il veut pas se faire dire qu'il est fou, tu sais. Il sait qu'il y a un problème, puis il va vivre avec, tu sais. Mais, puis il est bien dans sa situation, tu sais. Il a comme réussi à trouver son équilibre, même si on voit bien qu'il y a. C'est malsain. Plus d'équilibre, man. C'est très, très malsain. Est-ce qu'on est encore les spoilers ou on termine cette section spoilers? La section spoilers, je pense. Ben, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la section spoilers, merci beaucoup. Je sais pas. J'espère que vous aviez vu le film et que vous ne vous êtes pas fait gâcher en disant « Wow, je pense pas que je vais l'écouter. » Parce qu'honnêtement, c'est un film qu'il fallait voir. Sinon, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Et comme d'habitude, pour vous, gardez ça encore plus horreur. Plus? Plus. Pour eux autres, c'est plus. Plus. OK. Parce qu'ils sont... Tu sais, tout écouté.